Merci Anne du Frem du Crézéal pour cette intervention. Je te passe la parole. Merci Pauline et merci de nous accueillir dans le cadre de ce festival. Moi je suis Anne Dufresne, chercheuse Grésaire et coordinatrice Éconosphère, que certains connaissent ici certainement. Donc je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde qui s'intitule « Quelle mémoire possible des luttes sociales ?». Donc avant de commencer, je vais quand même présenter rapidement les partenaires organisateurs de cette table. Donc le Grésaire, qui va bientôt fêter ses 40 ans, que beaucoup connaissent, groupe de recherche pour la stratégie économique alternative. Donc c'est un centre de recherche et d'information sur l'économie internationale. Sa focale, c'est l'alphabétisation économique, et en particulier, il publie donc un trimestriel de Grésaire Éco tous les 3 mois. Donc, je voulais aussi juste présenter quelques projets du Grésaire qui sont en fait en lien aussi un peu avec la question de la mémoire. La mémoire, pas seulement des luttes, mais aussi des outils nécessaires à ces luttes. Dans cette idée de combler ce que Pauline appelait l'image manquante dans une histoire officielle et médiatique qui est très lisse, il y a 3 projets qui sont en particulier Mirador, que certains connaissent peut-être aussi, qui est un observatoire critique des multinationales. L'idée étant justement de donner des informations sur les 20-30 dernières années de multinationales de 15 secteurs, donc de pouvoir justement être... Enfin, c'est un outil assez utile pour pouvoir travailler sur la critique de ces multinationales. En cas de restructuration par exemple, etc. Deuxième projet, c'est l'Alter Summit, que vous connaissez peut-être pour certains aussi, qui a donc un nouvel objectif, qui est de lancer une newsletter qui comprend entre autres un calendrier des luttes en cours et à venir. Et là aussi, c'est un peu une ambition de pouvoir garder la mémoire de ces luttes, pas seulement en Belgique, mais aussi dans les autres pays d'Europe. Donc ça fait partie aussi de la question. Et enfin, Éconosphère qui co-organise aujourd'hui, qui est donc lui un réseau de chercheurs et qui met en ligne des textes critiques qui créent les événements comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes intéressé par ces différents projets, vous pouvez cocher la case sur la liste qui passera dans la salle. Voilà donc pour ce qui est des organisateurs. Maintenant, venons-en à la question qui nous occupe aujourd'hui. Donc, quelle mémoire possible des luttes sociales? Les luttes sociales, le conflit social, c'est l'expression en fait d'intérêts contradictoires entre capital et travail, entre employeurs et travailleurs, entre exploiteurs et exploités de manière plus générale. Et ces intérêts contradictoires, eh bien, ils peuvent s'exprimer sous différentes formes. Ça peut être des manifs, des sabotages, des occupations. Mais là, on va le voir ici à cette table, on voit bien que l'expression la plus emblématique du conflit social, c'est quand même très souvent la grève. C'est ce qu'on verra dans les différentes interventions ici, c'est grève des diverses restructurations dans la sidérurgie belge, en particulier avec Bruno dans le Dracos, la grève chez Godiva, chez Citroën, chez Fiat avec Benjamin, la grève des ouvriers de l'usine Johnson Matthey avec Louis, et la grève des acteurs de cinéma français des années 30 pour Tanguy. Donc voilà, la grève est assez centrale évidemment en tant que conflit, même s'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent s'exprimer autrement. Ce qu'elles ont en commun, toutes ces grèves, c'est bien l'expression d'une colère qui, si elle s'exprime de manière souvent éphémère, est pourtant bien le ferment de la lutte qui continue. C'était vraiment le slogan de 68, hein, la lutte continue. Et ce sont toutes ces luttes au pluriel qui sont relatées dans ces différentes œuvres ou récits qui forment la lutte contre un pouvoir qui aujourd'hui est de plus en plus violent et autoritaire. Donc ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est pas seulement on va pas discuter des luttes vraiment en soi, mais de la mémoire de ces luttes et de la façon dont on parvient à garder la trace de ces colères éphémères, ou plus ou moins éphémères. Et donc nous rassemblons ici des invités qui, chacun à leur manière, ont tenté de tracer la trace, de faire ces récits sous différentes formes. Donc je vais vous les présenter. J'excuse Karim Brixi qui devait être présent, qui malheureusement a été retenu pour des raisons professionnelles, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Donc je vais commencer par Bruno Porin du Grésea, qui est chercheur au Grésea, membre du GRACOS. Le GRACOS qui est un groupe d'analyse des conflits sociaux, que certains connaissent peut-être aussi par sa publication annuelle. L'idée du GRACOS, il s'est créé il y a 2010, et donc c'est Yanis Grac, on l'a intitulé collectif Yanis GRACOS, puisqu'à l'époque justement la Grèce était en péril suite à la crise financière, et donc par hommage à la lutte en Grèce, voilà, il s'est intitulé, c'est un faux nom en fait. Souvent on nous demande, mais c'est qui Yanis GRACOS? En fait, c'est ce collectif qui est donc un collectif d'analyse des conflits sociaux. La dernière publication qui va sortir d'ailleurs de ce GRACOS va être publiée en fin du mois, là. Elle a pris un petit peu de retard. Donc en fin octobre, il y aura toutes les chroniques de 2017 qui seront dans ce nouveau numéro. Là de nouveau à la table à la sortie, vous pouvez voir les exemplaires du GRACOS et éventuellement commander celui qui viendra si ça vous intéresse. Benjamin Durand, qui est réalisateur pour le XARA. Le XARA, il en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un atelier de production audiovisuelle de soutien au documentaire. Et de soutien. Un mouvement d'éducation permanent. Et un mouvement d'éducation permanent. Donc il est auteur surtout du film que vous avez peut-être déjà vu à 13h30 là, ou bien à un autre moment, Rien ne nous est donné, qui est très récent. C'est un film important puisqu'il y a très peu de films en Belgique sur les grèves belges. Et puis il est également membre du collectif Zine TV, qui est aussi un collectif intéressant dans cette question de la mémoire des luttes, puisque je crois qu'il s'intitule une télé d'action collective, c'est ça, Zine TV? Oui, pour ouais. L'action collective. Pour l'action collective. Ensuite, nous avons Louis Tellier, qui est dessinateur, auteur de la BD Johnson m'a tué, que vous avez certainement lu aussi, et 2011, donc c'est une BD qui est un reportage, tu nous en parleras, mais un reportage passionnant sur la fermeture de l'usine, sachant que tu étais toi-même ouvrier de cette usine qui a fermé. Tu as également publié L'avenir est à nous, qui est un outil pédagogique d'information et de sensibilisation de la CSC, commandé par la CSC, au moment de la campagne sur l'exclusion des jeunes des allocations d'insertion en 2016. Voilà, donc plein de récits très très nécessaires sur ces luttes. Pour l'instant, donc, on était plus sur la Belgique, et puis ensuite on a Tanguy Perron, qui est français, qui est historien, diplômé de l'EHESS et spécialiste du cinéma militant. Il est chargé du patrimoine audiovisuel au sein de l'association Périphérie et poursuit un travail d'éducation populaire et de programmation en Seine-Saint-Denis. Mais il est aussi, et tout récemment, auteur de l'ouvrage L'écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo, qui vient de sortir et que vous trouverez en vente aussi à la sortie, comme tout ce qui va être discuté ici. Beaucoup d'œuvres, de récits importants. Comme je le disais au départ, ce qui me rejoint un peu ici, c'est cette mémoire des luttes. Ce que je pense essentiel, c'est que chacun explique aussi d'où il part, pourquoi il en est arrivé à raconter des récits de lutte. Est-ce que c'est le besoin de faire honneur à cette mémoire des luttes? Est-ce proprement un acte militant? Est-ce que ça fait partie aussi d'un travail militant? Est-ce que ça vous a nourri idéologiquement de produire ces différents récits? En revenant évidemment sur votre biographie, vos biographies et vos lieux d'appartenance, voilà, autant de questions donc sur le pourquoi ces œuvres, pourquoi ce choix de relater la lutte. Bruno, commencez. Ok. Moi, je suis peut-être celui qui travaille le moins sur la mémoire des conflits sociaux. En tout cas, je travaille sur la mémoire à court terme, puisque le GRACOS existe, comme Anne l'a dit, depuis 2010, même si l'objectif, en effet, c'est de compiler année après année des analyses sur les conflits sociaux et donc de garder une mémoire, parce qu'il nous a semblé important et que ça manquait en Belgique, en tout cas, de garder une mémoire, des chroniques des principaux conflits sociaux. Et donc, c'est une quinzaine de chercheurs, des sociologues, politologues, je pense même, il y a peut-être bien un économiste dans le tas également, qui publie ensemble chaque année un rapport sur la conflictualité sociale qui est composé d'une part d'un certain nombre de conflits qu'on étudie plus profondément. Hein, ce sont ce que nous on appelle des conflits remarquables. Alors je reviendrai sur la question du remarquable parce qu'elle fait énormément de débats entre nous depuis 2010 et qu'elle n'est toujours pas très bien définie, je pense. Et puis il y a une annexe statistique. Depuis 1991, il y avait des statistiques sur les grèves avant en Belgique, mais depuis 1991, on a, au niveau institutionnel, au niveau du SPF, du ministère, on a des statistiques de grève qu'on essaye d'analyser. C'est la seule question, en règle générale, que les journalistes nous posent quand le rapport sort, c'est « cette année, c'est combien ?» Et puis, on va pas beaucoup plus loin. Mais donc, voilà un peu le travail qu'on mène, qu'on essaye de mener. Donc moi, je vais répondre aux deux questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce important, selon nous, de s'intéresser à la conflictualité sociale, à cette mémoire, essayer de travailler à la mémoire des conflits? Et deuxièmement, comment on le fait, les difficultés qu'on rencontre? Et puis alors, si j'ai encore un peu de temps, je dirai quelques mots sur un peu ce qu'on remarque comme évolution dans les conflits sociaux en Belgique depuis quelques années. Pourquoi est-ce que au Grésea, parce que je ne vais évidemment pas parler, je ne suis pas le porte-parole du GRACOS, je ne vais pas parler pour les 15 chercheurs qui le composent, mais pourquoi est-ce que au Grésea, on est 3 chercheurs à travailler dans ce cadre, dans le GRACOS. Pourquoi est-ce qu'il nous a semblé important, d'ailleurs tous les chercheurs travaillent de près ou de loin sur la conflictualité sociale au GRACOS. Pourquoi est-ce que c'est important pour un groupe intitulé le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative, hein, c'est tout un programme, de s'intéresser aux conflits sociaux? Pour une raison très simple, l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui comme un système de reproduction et d'amplification des inégalités sociales ne peut être transformée. Si on veut, il peut y avoir des alternatives à ce type d'économie que au travers, que dans un cadre conflictuel. Et on a énormément, depuis la crise de 2008 encore plus, des alternatives qui ont été réfléchies, qui sont proposées dans le monde académique, dans le monde associatif, dans le mouvement social. Mais parfois elles souffrent d'une déconnexion énorme, c'est qu'on ne fait pas le lien entre la critique de ce qui existe, l'alternative qu'on pose, et entre les deux il y a un passage obligé, qui est le conflit. Parce qu'évidemment, ces alternatives, elles ne se matérialisent pas comme ça dans le réel, sans qu'il y ait, à un moment donné, un rapport de force qui se construise au travers du conflit. Et donc, je pense que dans le monde progressiste, en règle générale, pour le moment, on souffre un peu de cette analyse qui manque de la conflictualité sociale, de cette mémoire des conflits, qui nous permettent, en fait, d'articuler des alternatives, de les discuter aussi, parce que ça, dans un conflit, ça permet de discuter des alternatives, des propositions, des perspectives. Et donc, on a parfois tendance à produire un peu des propositions, qu'elles soient sur l'économie budgétaire, les questions monétaires, les questions sociales, qui sont un peu hors sol, si on les déconnecte des rapports de force, des conflits, de comment ça fonctionne. Idem, si on a des propositions alternatives à l'entreprise telle qu'elle existe chez Johnson ou autre, à la grande multinationale, à la sous-traitance, etc., ces alternatives, elles ne se construisent pas, on ne passe pas dans un système d'autogestion comme ça sans passer par un conflit avec le patron et avec d'autres acteurs. Et donc, d'où l'importance de comprendre ces conflits pour justement avoir, voilà, avoir des propositions alternatives qui se construisent au travers de la réalité des gens et de la réalité du conflit. Et donc, c'est aussi pour ça, il me semble, que la conflictualité sociale est et la grève en particulier, puisque le GRACOS, on travaille quand même beaucoup sur la grève, est un pilier de nos démocraties. La grève, ce n'est pas seulement un droit fondamental, c'est une pratique qui permet d'obtenir des droits. Et donc, c'est un levier. Et si on discute beaucoup en Belgique aujourd'hui de l'encadrement de ces grèves, hein, le service minimum, qu'est-ce qu'on peut faire pendant une grève, est-ce que les piquets de grève sont permis ou pas, il faudrait maintenant une personne responsable dans l'organisation syndicale qui permet d'individualiser la grève et de lui tomber sur la tête si jamais il y a le moindre problème. Donc c'est les trois points principaux de ce pseudo-modernisation du droit de grève, comme certains l'appellent. C'est une attaque claire contre nos démocraties. Parce que si la grève et le conflit sont disqualifiés en démocratie, ben, il nous reste quoi ? Il nous reste un vote tous les 4 ans. Et on sait ce que ça veut dire en termes politiques. Donc, premier point, pourquoi est-ce que nous, on s'intéresse à la grève et à la conflictualité sociale ? C'est parce que c'est un lien essentiel pour implémenter des alternatives et pour faire fonctionner une démocratie politique, économique et sociale. Deuxième élément, depuis pas mal d'années, on remarque quand même une forte disqualification du conflit social dans nos sociétés. Alors, du côté de l'acteur patronal, gouvernemental, c'est pas nouveau. Il y a cette disqualification, elle se matérialise chez eux dans un discours qui est de dire, en Belgique en tout cas, le conflit, la grève, c'est irresponsable, c'est pas efficace. Et d'un autre côté, par contre, la concertation sociale, le dialogue social, c'est quelque chose de responsable, il faut discuter, c'est beaucoup plus efficace. Là, il y a une critique à faire énorme, puisque évidemment, la concertation sociale en Belgique, et tout le système, l'architecture sociale que nous avons construit depuis plus d'un siècle sur ces questions, ne peut exister que dans un cadre conflictuel. Puisque la concertation sociale, d'abord, c'est un mécanisme de règlement des conflits, donc si vous enlevez les conflits, il n'y a pas beaucoup de sens, pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Et deuxièmement, le conflit social a été le levier par lequel on a pu construire tous ces mécanismes de règlement des conflits, de concertation sociale et de négociation collective. Prendre un exemple, la mémoire, encore une fois, en 1900, il n'y aurait jamais eu de commission paritaire en Belgique s'il n'y avait pas eu de longues grèves après la Première Guerre mondiale en Belgique et de conflits assez durs autour des questions du temps de travail, etc. Nous n'aurions pas eu d'abord des commissions d'études paritaires sur le temps de travail dans la chimie et dans la métallurgie, et puis des commissions paritaires de négociations collectives. Donc les deux ne vont pas l'un sans l'autre, et bizarrement aujourd'hui, enfin c'est pas bizarre, évidemment c'est voulu, il y a cette tentative de disqualifier le conflit en disant que des mécanismes de concertation, de dialogue pourraient se suffire à eux-mêmes et fonctionner en dehors, dans une société pacifiée. Ce qui est plus récent et quand même assez étonnant, c'est que cette disqualification du conflit, elle existe, et de la grève en tout cas, c'est surtout de la grève, elle commence à prendre corps aussi dans les organisations du mouvement social. On commence à en entendre parler dans les ONG, dans les associations, mais aussi dans les organisations syndicales. Ce n'est pas une généralité, mais néanmoins, c'est une évolution. La grève serait quelque chose devenu parfois inefficace, évidemment coûteux, ça c'est moins dit, mais c'est un fait, mais qui ne serait plus efficace. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, mais donc c'est pourquoi il est important de s'y intéresser. Pour éviter que ça disparaisse, je pense qu'il faut continuer à s'y intéresser. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette disqualification par les acteurs principaux des conflits sociaux aujourd'hui ? Premièrement, je pense que depuis les années 80, les conflits sociaux ont évolué en Belgique de conflits plutôt offensifs sur la question des salaires, du temps de travail, c'était très clairement le cas dans les années 60-70. On a progressivement passé parce que l'économie s'est transformée, parce qu'il y a des choses qui ont changé, je ne vais pas tout développer ici, parce que les entreprises ont changé, parce que les centres de décision ont en particulier quitté la Belgique. On est passé à des conflits et des revendications qui étaient plus défensives sur le maintien de l'emploi, ou même sur l'indemnité de licenciement. Parfois dans les entreprises, les conflits portent sur ces questions. Or, dans des conflits défensifs, il est beaucoup plus difficile de voir ce qu'a pu apporter la grève ou une action. Si vous faites un conflit pour avoir des augmentations salariales, c'est assez simple de savoir si elle a porté ou pas. Par contre, lorsque vous menez un conflit contre, par exemple, là dernièrement, contre la réforme Peters du marché du travail en Belgique, les principaux analystes vous diront que ça n'a rien apporté puisque il y a eu cette réforme, elle a été mise en place, etc. Or, si on essaye d'objectiver un peu les choses, le gouvernement n'a sans doute pas été jusqu'où il voulait aller. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile justement à analyser, à objectiver. Je pense que le gouvernement voulait d'une annualisation mécanique du temps de travail et il a eu une annualisation négociée avec les syndicats du temps de travail. C'est quelque chose quand même de différent, et là, on voit que finalement, alors est-ce que c'est suffisant pour juger d'un conflit qu'il a été efficace, d'une grève, d'une action qu'il a été efficace ou pas, je suis personne pour le dire. Mais je trouve que parfois, il y a cette difficulté d'objectiver des conflits plus défensifs. Autre exemple, la réforme actuelle des pensions. Est-ce que sans les actions qui sont menées actuellement, on peut les critiquer, hein, je suis le premier parfois à le faire, en termes de lisibilité, d'agenda, de choix, des pratiques, on peut en dire beaucoup, mais est-ce que sans ces actions, la réforme des pensions ne serait pas déjà bouclée? Et sans doute, elle aurait été beaucoup plus loin que ce qu'elle ne va aller, en tout cas jusqu'à la fin de cette législature-ci. Donc voilà, ça c'est une difficulté. Deuxième difficulté aujourd'hui, par rapport à cette efficacité de la grève, c'est que la grève, pour être reconnue efficace aujourd'hui, elle a besoin des patrons, bizarrement. C'est-à-dire qu'elle a besoin à un moment d'atterrir, et en tout cas en Belgique c'est très clair, mais je pense que dans beaucoup d'autres pays européens aussi, elle a besoin d'atterrir dans une négociation, sur une négociation collective, dans un système de concertation sociale qui fonctionne, et c'est là qu'on peut juger de est-ce que la grève a pu faire bouger les lignes ou pas. Or aujourd'hui, la concertation sociale, elle ne fonctionne pas en Belgique. Dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, elle existe très difficilement. Pourquoi ? Parce que le centre de décision n'est plus là. Parce que le patron n'est pas là. Et donc, c'est à mon avis un des éléments aussi qui fait que parfois on juge la grève comme inefficace, parce qu'on n'a plus les moyens de voir ce qu'elle aurait pu ou ce qu'elle a pu effectivement apporter. Troisième élément, j'ai encore un peu de temps. J'ai pas de nom, d'accord. Pas de la chance. Troisième élément, je pense que le conflit social, l'expression de la colère ouvrière, alors je parle ouvrière au sens large, hein, la nouvelle classe ouvrière, c'est beaucoup plus large que l'ouvrier de la manufacture, l'expression de la colère ouvrière, elle est nécessaire parce que c'est aussi un gage de santé mentale de ces travailleurs. Et ça, on le remarque aujourd'hui avec ce processus d'individualisation de la conflictualité sociale, qu'on rencontre de plus en plus dans les entreprises, où il y a les frustrations par rapport au monde du travail sont de parfois très intériorisé par les travailleurs. Ce qui donne, dans le moins grave des cas, un burn-out, ce qui peut donner également, dans le plus grave des cas, des suicides, comme on en a vu dans la sidérurgie, par exemple. Et le conflit social, collectif, il permet d'extérioriser cette frustration par rapport à des décisions qui sont prises par un autre que soi. Et aujourd'hui, on voit quand même dans l'évolution des conflits, l'individualisation de ces conflits sociaux, le fait que de plus en plus on conteste individuellement des décisions, ou on les intériorise, que ça fait des dégâts. Et d'ailleurs, j'ai donné une formation un peu sur ce sujet à des GRH en Belgique, et la plupart, la grève, ils s'en foutent. C'est plus un problème. C'est des grèves d'une journée, d'une demi-journée, bon, on gère ça, voilà. Par contre, les burn-out, c'est la catastrophe. Or, ils n'ont qu'un regard sur ça, c'est un regard de médecin, d'individu. Il faut envoyer quelqu'un qui est en burn-out chez le psychologue. Par contre, on ne fait pas encore, en tout cas suffisamment, le constat que l'absence, la disqualification de la conflictualité sociale, pseudo-pacification des relations professionnelles dans certaines entreprises peut avoir comme effet des problèmes plus psychologiques, plus individuels qui s'expriment. Voilà, et alors dernier élément du pourquoi, ben, c'est que finalement c'est un objet de recherche qui est assez peu travaillé en Belgique. Et d'ailleurs on a du mal parfois au Vacos de boucler nos numéros, etc. parce qu'on manque de bras ou de cerveau, je sais pas comment, de bic. Et ça se sent assez fort pour le moment. Et d'ailleurs, quand on fait l'analyse historique de la conflictualité sociale en Belgique, on a des moments très documentés, hein, les premiers moments des conflits de la fin du 19e, etc. La grève de 60-61, évidemment. Mais depuis les années 80, par contre, c'est un peu plus compliqué, c'est plus disparate d'avoir un suivi de ces conflits. Or, la grève, elle existe toujours. Il y a eu, depuis 2010, il y a même une reprise de la conflictualité sociale en termes de nombre de jours de grève, en tout cas. On peut un peu discuter de ça, mais en termes de statistiques, ça se voit. Et donc, la grève, ce n'est pas fini. Mais pourtant, on voit que c'est plus difficile pour les chercheurs, pour les universitaires, en tout cas, de s'intéresser à cette question. Voilà pour le pourquoi. Ça va ? Merci beaucoup, Bruno. Donc, ton pourquoi, oui, était très, très explicatif de la grève. Grève, outil de la démocratie, la grève disqualifiée, la grève pourtant indispensable pour aller vers des négociations collectives qui valent quelque chose. Tout ça, c'est très important, mais c'est vrai. Et là, on va reprendre donc maintenant sur des récits qui sont à la fois sous forme de BD ou d'ouvrages ou de films, et en revenant peut-être sur la question de un peu plus personnelle, mais aussi d'appartenance à la fois militante et d'où on vient pour porter cette parole sur la lutte. Voilà. Pourquoi vous avez décidé un jour d'écrire sur cette mémoire, et est-ce que vous inscrivez dans ce fil de la mémoire des luttes? Peut-être Benjamin. Ok. Je sais pas. Hein, c'est toi qui décides, ça va. C'est moi qui décide. Voilà. Alors là, j'ai repris le cours du temps. Je suis désolée, j'avais eu un petit défaut de ça y est, je suis de nouveau maître du temps. Donc tu as eu beaucoup de chance, Bruno. Maintenant, je vais essayer de revenir pour pouvoir ensuite aussi laisser la parole à la salle. Ça va. Moi, je pense pas que je vais être très très long. bonjour tout le monde. Et donc, moi, c'est Benjamin, le réalisateur de Rien ne nous est donné. Et en fait, je dis que ça ne va pas être très long, ça va être facile, parce qu'en fait, tout ce que vient d'exposer Bruno, en gros, nous, on a voulu le mettre en image et en son. C'était le pourquoi du film. Et pour clarifier aussi, moi, je suis, on va dire, l'auteur-réalisateur du film, mais en fait, je suis plus le responsable du film, et c'est aussi une réalisation collective, donc qui s'est faite tant avec l'équipe du Xara, qu'avec l'équipe de Zine TV, et aussi avec les propres grévistes avec qui on a... Enfin, j'avais pas d'idée préconçue de comment allait être le film avant de rencontrer les grévistes, et de voir avec eux comment on pourrait mettre ça en image et en son. Donc voilà. Et non, le point de départ du film, c'était ça un peu l'idée. Donc enfin, je reviens à ce que disait Bruno, c'était donner à voir et à entendre ce qu'est une pratique, donc la grève comme telle. À plusieurs niveaux, donc il y a eu plusieurs points de départ, on va dire, mais c'était vraiment l'essentiel, c'est-à-dire faire un film sur l'action collective, et l'une des meilleures formes d'action collective pour nous était la grève, et donc cette idée d'aller retrouver des grévistes à différentes époques, donc tous sur Bruxelles, mais à différentes époques, et en fait on se rend compte qu'il y a des similitudes, mais aussi des différences dans les formes d'action. Et montrer que c'est plus compliqué que ce que médiatiquement on nous envoie sur la grève, qui généralement se résume à la grève des cheminots qui bloquent les trains. Et donc, dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire médiatique, numérique, la classe ouvrière n'existe plus. Et il y avait aussi cette idée de redonner à voir et à comprendre la classe ouvrière comme classe combative. Et non pas comme victime, où il existe des films, du cinéma social qui traitent de la classe ouvrière, mais avec une certaine forme de compassion, de réassurance, c'est-à-dire qu'on se rassure parfois, souvent en tant que gauche, que bah oui, ça va mal, c'est pas bien, ils sont exploités, ils sont victimes. Mais c'est plutôt rare de voir des films où on voit la classe ouvrière qui prend les choses en main et qui décide de ce qu'elle va faire. Donc ça, c'était un des points. Et c'était une des questions pour ça. À la fin du film, on ne sait pas s'ils ont gagné, perdu le conflit, parce que ce qui nous intéressait, c'était comment on décide de se mettre ensemble pour se battre. Donc ça, c'était un des éléments. Et de comprendre de l'intérieur comment se passe une grève et comment s'organise une grève, avec toutes les difficultés que ça peut amener, avec toutes les joies aussi que ça amène, parce que c'est un élément fondamental, ce que tu disais, Bruno, et que j'ai beaucoup retrouvé en discutant avec les grévistes et qu'on essaye aussi de montrer dans le film, c'est que la grève transforme une personne et qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a participé à une grève, on n'est plus le même et on prend conscience du collectif, on prend conscience que de la force du nombre. Beaucoup de personnes nous l'ont dit au moment du tournage, au moment des entretiens avant. Et ça, je pense que c'est un élément important. Donc, la grève comme moteur de la transformation des individus et de cette forme de conscientisation. Et il y avait aussi comme point de départ, en fait, qui est défendre le droit de grève, aussi, c'est évident. Mais bon, voilà, je pense que vous voyez encore dans l'actualité, ces derniers temps, quand on voit la politique du gouvernement actuel et quels sont ces axes d'attaque au niveau de la politique du travail ou social, un des premiers est limiter le droit de grève ou attaquer le piquet de grève comme tel. Et donc il y avait cette volonté aussi de montrer en quoi c'est nécessaire la grève comme telle. Une forme de réponse, je pense que nous, en tant que réalisateur ou en tant que artisan de l'audiovisuel, c'est notre rôle. Donc là, je pense que ça revient un peu à ce que tu demandais sur cette question de mémoire et cette question de ce que nous, on apporte. Je pense pas que c'est un acte militant, pas du tout. Je pense que l'acte militant, c'est les gens qu'on filme, qui le font, mais que faire un film, c'est pas un acte militant, c'est un devoir, une nécessité, parce qu'on sait utiliser cet outil-là. Mais je ne le vois pas comme un acte militant. C'est juste, si ça peut permettre à ce que des personnes, en voyant le film, réfléchissent ou élaborent une pensée sur ce qu'ils sont en train de voir et qu'après ils ont envie d'aller se battre, tant mieux. Mais c'est, je ne pense pas que c'est un acte militant comme tel. Et voilà, je crois que c'est à peu près ça. Merci, Benjamin. Je pense que c'est une bonne question. Est-ce un acte militant que de faire des films ou d'écrire sur la lutte. Par exemple, dans le film Un homme est mort, que vous verrez peut-être tout à l'heure, René Vautier, justement, qui est représenté dans ce film, dit à un moment donné mon arme, à moi, c'est la caméra. Et je pense que, voilà, lui, à l'époque, le voyait comme un acte militant. Donc, voilà. mais je pense que vous pourrez aussi rebondir sur ce questionnement-là. Donc, par l'intermédiaire de la BD et, là pour le coup, en tant qu'acteur de la situation, voilà, pourquoi ? Enfin, on se doute pourquoi est-ce que tu étais dedans, mais voilà, penses-tu que ce soit réellement un acte militant, ce que tu as pu faire là, et surtout, qu'est-ce que ça a produit par la suite auprès de tes camarades, etc. Bon, moi, je ne me suis pas dit que c'était vraiment un geste naturel. C'est venu comme ça. Après, je ne sais pas, militant ou pas, ça avait une fonction militant quand même sur le coup. Mais enfin, j'explique dès le départ comment. Donc j'étais ouvrier depuis 5 ans dans une entreprise, dans une multinationale anglaise qui avait une antenne à Evere. Et un jour, en 2011, ils apprennent à tout le monde qu'ils ferment totalement la boîte avec 300 personnes. Donc moi je travaillais depuis 5 ans dans cette entreprise. Et assez vite je me suis dit qu'au niveau des médias on n'allait pratiquement pas en parler. Et au fur et à mesure, on se rendait compte du pourquoi du fait que ce qu'on allait vivre était très, très représentatif de plein de fermetures au même moment. Donc eux, ils prenaient le prétexte de la crise de 2008 pour faire croire qu'ils étaient en déficit, alors qu'en fait, ils avaient produit un maximum. Enfin, au fur et à mesure, on découvrait qu'ils ouvraient une multinationale en Macédoine, où ils allaient utiliser tout le savoir-faire qu'on avait développé les dernières années. Tout était préparé en douce depuis un moment. Et donc, très vite, je me suis dit qu'il fallait que j'avais envie de raconter de l'intérieur cette situation. Et la BD était... Enfin, je savais dessiner, j'avais fait les Beaux-Arts. Et donc, la BD, c'était la façon la plus évidente pour essayer de dresser un panorama de cette situation au plus près des gens et sur le long terme. Donc du coup, j'avais envie d'utiliser ce médium pour montrer vraiment à l'extérieur comment au jour le jour on vivait, que ça essayait de faire une pression médiatique. Et donc effectivement, il y a pas mal de médias belges et bruxellois qui en ont parlé. Et au fur et à mesure, la direction de l'entreprise me menaçait pour pas que je continue. Mais donc du coup, je raconte. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte, ça dure à peu près 6 mois, et on voit comment l'état d'esprit général des travailleurs et au fur et à mesure, nous on n'a pas fait de grève, mais pratiquement pas, mais on a arrêté les lignes, on travaillait vraiment au minimum. Et on essayait de bloquer les stocks. C'était mitigé entre les gens qui voulaient continuer à travailler pour toucher leur salaire et puis les gens qui voulaient tout bloquer, faire des grosses actions. Et finalement, il y a les négociations syndicales qui font que ça évolue comme ça, où les ouvriers assistent à des réunions et il y a des avancées qui sont faites au fur et à mesure, il y a des votes, mais on s'est un peu dépossédé de nos actions au fil du temps. Et donc, nous, dans notre situation, il y a beaucoup de moments où on restait, ça durait vraiment des mois d'ennui total. Donc, c'était plutôt ça aussi l'ambiance. Et puis effectivement, avec pas d'interlocuteur, la direction anglaise qui était jamais là, et le directeur local qui disait toujours « moi je ne sais pas, c'est pas moi qui décide ». Donc c'est une stratégie aussi. Et je continue sur l'autre BD. Oui, sur là, c'est un tout autre processus, hein, c'est le SAC qui te fait une commande sur... Après j'ai fait cette BD-là où j'ai suivi pendant 2 mois les jeunes CSC, c'est des militants qui s'occupent de la partie jeune au sein de la CSC, et j'ai été suivi sur toute une campagne de mobilisation contre les lois Peters et la diminution des allocations d'insertion, qui fait que les étudiants, en sortant des études, touchent de moins en moins facilement d'allocations et d'autres mesures. Et on voit au fur et à mesure leur méthodologie sur le terrain. Et là, la BD, ça permet de plonger le lecteur de façon plus profonde dans les divers points, tant des mesures Peters que aussi la réalité des étudiants. Donc depuis, j'utilise un peu le médium bande dessinée pour... par exemple, j'ai fait un atelier avec des exclus du chômage qui... On a fait ensemble une BD où ils reparlent de leur expérience personnelle par rapport à l'exclusion, et puis aussi des actions qu'ils font avec en tant que TSE au CEPRE. C'est un organisme d'éducation permanente lié à l'LGTB. Et voilà. Et donc, moi, je leur permettais de traduire ça en bande dessinée. Et après, ça devient un outil de communication. Voilà. Donc, pour moi, le militantisme, c'est d'utiliser ce médium-là pour pour lui faire passer des idées. Merci. Oui, donc voilà, on voit des actes peut-être aussi très individuels et réactifs par rapport à des situations, mais peut-être qu'ils ne s'inscrivent pas forcément dans un cadre institutionnel, justement. Et il y aura aussi cette question-là de savoir dans quelle mesure c'est possible de créer une mémoire sur du plus long terme avec plus de moyens, et quelle institution aide à ça ou n'aide pas. C'est aussi là, pour finir avec, avec Tanguy, là justement, toi tu es dans un processus, mais depuis très longtemps en France, d'éducation permanente, si je l'abuse, et de créer des outils qui aident la lutte d'une manière ou d'une autre, être spécialiste du cinéma militant, mais surtout, là, dans ton ouvrage, tu poses la question de la représentation. C'est un peu décalé par rapport peut-être aux autres présentations, puisque là, on est plus sur la question de la représentation, hein, du syndicalisme aussi au cinéma. Et également de voir comment il y a eu des luttes dans le cinéma, mais aussi comment justement les syndicalistes sont représentés. Et alors, dans une période très particulière du cinéma français, puisque c'est les années 30 jusqu'à 1958, hein, alors tu nous expliqueras peut-être pourquoi tu t'arrêtes en 58. Et donc voilà, donc L'écran rouge, c'est vraiment passionnant à lire. Et donc ça, c'est sur cet ouvrage, mais peut-être que tu peux nous raconter aussi tout ton travail en Seine-Saint-Denis qui œuvre à... D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation, hein, et merci donc à Regard sur le travail et à vous tous. Et je suis très content déjà d'avoir découvert ton film. Donc rien ne nous est donné. Donc voilà, j'ai passé déjà un bon moment. Donc merci. Non, les festivals, les rencontres, c'est justement pour des découvertes. On n'est pas cantonné, chacun a présenté ses choses. Si, c'est des moments de rencontre, et ça a déjà eu lieu pour moi, donc merci beaucoup. Alors en plus, tu me parles de la Seine-Saint-Denis, je pourrais remonter plus loin, mais et faire un morceau d'égo-histoire, si ce n'est de cabotage narcissique, mais je pourrais parler de la Bretagne aussi, de l'Orient, d'où je viens, qui n'est pas si loin de Brest, dont on va parler avec Un homme est mort, de la part d'héritage et de la part de militantisme. Et la part de ma, c'est marrant ta question, et c'était est-ce que cela vous a nourri idéologiquement, vos travaux? Ben moi j'ai une telle idéologie personnelle et en héritage que ce serait plutôt le contraire, quoi. Je veux dire que c'est mes travaux scientifiques qui ont commencé à faire bouger un peu mon idéologie, mais mon idéologie est très très forte, et c'est très banal en France. Enfin, je suis communiste, mes parents l'étaient, mes grands-parents l'étaient aussi, et mes arrière-grands-parents n'ont pas eu la chance d'avoir le congrès de Tours parce qu'ils étaient anciens, mais peut-être qu'ils l'auraient été aussi. Donc c'est vraiment un héritage qui est vraiment important, dense comme ça, et je suis adhérent de la CGT par ailleurs. Donc voilà, je dis d'où je parle, en fait comme à 70, je fais mon coming out idéologique tout de suite. Par ailleurs, je suis scientifique, j'essaye de l'être, c'est en sciences sociales, je suis historien, et je fais de l'éducation populaire. Il y a ces trois choses, et s'épaulent, et se contredisent, et se nourrissent, et tout ça, mais c'est pas forcément évident. Mon combat scientifique est aussi un combat politique, c'était dans le champ de l'histoire du cinéma, intégrer l'histoire sociale, et l'histoire sociale du cinéma, et l'histoire syndicale du cinéma. Et vraiment, c'est un combat que j'ai mené, que j'ai l'impression d'avoir marqué quelques points sur ça, puisque, et assez facilement, enfin j'ai dit c'est trop facile, mais j'étais beaucoup plus du côté de l'histoire que de la mémoire, et beaucoup plus du côté de l'archive que du patrimoine. Après, les choses se sont épaulées, se sont mêlées, mais j'avais créé des cycles table ronde qui ont donné deux livres DVD qui s'appelaient Histoire d'un film, mémoire d'une lutte. C'était pour dire que les films méritaient d'être historicisés, qu'ils n'étaient pas seulement là pour illustrer, et que les films pouvaient perturber la mémoire, ou les images animées, les rushs, pouvaient perturber la mémoire des miens, si vous voulez, enfin des miens, des nous, pour éviter l'entre-soi. La mémoire peut contredire le souvenir d'une grève, enfin l'image, pardon, peut contredire la mémoire, peut contredire le souvenir d'une grève. Et j'étais avec une salle et des images projetées, et des tribunes et des témoins, avec une sorte de rapport dialectique entre la salle, l'image et témoins. Les témoins ont le droit à l'histoire, ont le droit à l'écrire l'histoire, parce qu'ils ont l'archive aussi. Mais Une histoire est une discipline historique qui s'appuie sur des archives et sur des problématiques. Donc, je ne fais pas d'histoire sans archives. Donc, et j'incorpore, bien sûr, c'est banal, mais on a mis un peu de temps à le faire, l'image, les images animées, le cinéma, comme archives. Enfin, je revendique ça comme archives. Maintenant, tout le monde le fait, mais ça a été lent, et ça a été plus lent dans l'histoire, et c'était encore plus lent dans l'histoire sociale. Donc voilà, je suis le fruit de l'école Marc Ferro, qui travaille sur histoire et cinéma. D'ailleurs, Marc Ferro, il avait fait aussi le poids sur... il y avait Michel Perrault qui parlait, pour revenir à ce que tu disais, sur le poids de la grève, le poids de la menace de la grève, très dur à évaluer le poids de la menace de la grève, mais il est là aussi, hein. Ça fait partie de stratégie patronale. On a peur de déclencher une grève, donc on ne va pas aller aussi loin qu'on veut. Donc il faut que la grève soit une menace aussi. Et puis Marc Ferro plus tard avait parlé aussi justement de, pour se disait par rapport au burning out, de les arrêts de travail aussi liés avec, il avait fait un lien peut-être trop mécaniste, mais entre la baisse du nombre de jours de grève en France dans les années 70-80, surtout 80, et chez les salariés, les arrêts de travail, les burning out et l'utilisation d'antidépresseurs et de médicaments. Donc voilà, il y a tout ça. Alors pourquoi je te dis ça? C'était par rapport à... Donc voilà, et quand tu parles de grève, alors là aussi c'est encore une chose paradoxale, c'est pour revenir au livre, qui est un livre collectif, qui rassemble différentes idéologies. Et ça m'intéressait aux différents courants politiques. Je vous ai dit d'où je parlais. Par exemple, j'ai demandé à Pascal Horry, qui lui était plus proche de la CFDT et de la tradition socialiste française, d'écrire un texte sur la Marseillaise. Il écrit un deuxième texte. Moi, j'aime bien le livre comme lieu de dialogue ou de contradiction, ou de conflit même. Voilà, je déteste les monologues et une seule ligne. Et le propos du livre, qui est un livre collectif, c'est pour ça que c'est un peu décalé, parce que ça se veut un livre d'histoire soutenu par les syndicats, et j'étais très touché de savoir que les camarades de la CGT, de la Fédération des Cheminots, ont envoyé mon livre, parce qu'ils l'ont soutenu. Ils en ont acheté des milliers. Donc ça sauve un éditeur, l'atelier, qui sort le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, dit le Métron, que vous connaissez, parce que je crois qu'il y a un Métron belge aussi. Hein, donc cet éditeur sort ça, et il a la gentillesse d'accepter ce livre-là, et comme il est malin, il demande au syndicat de l'aider, et si le syndicat ne l'aide pas, la maison d'édition est cool, parce qu'elle est indépendante. Enfin, vous connaissez ce rapport-là. Et donc les cheminots aident ça et envoient le livre, donc ça marche un peu dans nos petits réseaux. J'espère que ça va dépasser. Le propos du livre donc, L'écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo. Donc de Gabin, le Front Populaire, icône du Front Populaire, à Belmondo, icône de la Nouvelle Vague. Ça, on a une bande chronologique. Alors, par contre, je joue sur une surprise. Pourquoi Belmondo? Parce que Gabin, on peut comprendre, Front Populaire. Et encore, ce livre-là, j'ai fait une lecture différente de celle de Pascal Horry, mais de ma part, il y a une réhabilitation citoyenne de Gabin, y compris dans les années 40, où je montrais sur Archives syndicales qu'il était adhérent à la CGT, ce qui peut surprendre. Gabin, ça peut se comprendre pour la temporalité et pour son engagement, ou pour ce qu'il a représenté comme figure mythologique du cinéma français, l'ouvrier du Front Populaire. Et Belmondo, c'est plus surprenant, parce que Belmondo, effectivement, c'est une bande chronologique sur le début de la Nouvelle Vague, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le syndicalisme? Or, je montre dans ce livre qu'il a joué dans un premier film financé par la CGT, qui s'appelle Les Copains du Dimanche, un film à la gloire de l'aviation populaire et des comités d'entreprise. Donc c'est la coopérative générale du cinéma français qui a financé ce film-là, et elle avait financé avant Bataille du Rail, de René Clément en 1946, d'une part, et plus surprenant encore, il a accepté Belmondo de diriger le syndicat d'être le président du syndicat des acteurs, CGT. Donc les gens disent « Ah bon, ils ne croient pas souvent, donc si, je vous assure, voilà. » Mais il y a l'anecdote est plaisante, et elle est là aussi pour attirer des lecteurs, mais elle est véridique néanmoins. Et du coup, ça fait réfléchir aussi sur une forme spécifique du syndicalisme. Et réfléchir sur une forme spécifique du syndicalisme, surtout dans les milieux du spectacle, ça ne sera pas parler que de la grève. Moi qui suis très attiré par les grèves, et d'ailleurs dans toute vie, hein, que ce soit de manière personnelle ou plus lointaine, on a souvent tendance à faire nos chronologies personnelles en fonction de grèves. Moi, 86, Si je cherche une année où j'étais quand j'étais, je me rappelle le 1986, en France, c'était les grandes grèves contre les réformes de Baquet, avec la mort d'un étudiant, Melico Sekin, qui a été tué en 1986 à Paris. Un autre fils d'immigré a été tué la même nuit. Mais voilà, pour toute une génération, des grèves structurent notre mémoire. Hein, je pense que vous pouvez faire tout cet exercice-là. Après, de jeune homme, c'est à Paris les grèves de 1995, les grèves des transports publics. C'est gigantesque. Donc, les grèves sont des repères sociaux, personnels aussi. Quand on travaille sur le syndicalisme du cinéma, c'est plus compliqué. Et je suis contre les histoires saintes. Et c'est souvent des histoires qui ne sont pas simples. J'ai voulu montrer la constitution du syndicalisme dans les métiers du cinéma. Et je me suis rendu compte au début que cette constitution est difficile, tardive, peut-être parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les métiers du cinéma et que ça ne nous intéressait pas, a priori, de syndiquer d'abord des femmes. Et qu'elle se fait d'abord sur ces mobilisations, se fait d'abord sur des bases corporatives, parfois xénophobes, au début des années 30. Donc je ne suis pas du tout d'une histoire simple, c'est une histoire complexe comme ça, quoi. Du rejet de l'autre, du rejet des travailleurs réfugiés qui viennent d'Allemagne, avec un courant antisémite qui nourrit les milieux parisiens et particulièrement les milieux du cinéma. Il va y avoir une réaction syndicale à ça, internationaliste, à base de classe et à base communiste souvent, qui se montrera efficace qu'en 1936. Et là, il y aura des grèves qui seront efficaces. Et on pourra interroger qu'est-ce qu'une grève efficace, qu'est-ce qu'une grève perdue, qu'est-ce qu'une grève gagnée, enfin voilà, la question de la dignité aussi, la question des souvenirs que j'ai évoqués, enfin tout ça, ça fait partie de l'appréhension d'une grève. On ne pourra pas dire seulement sur l'usine a fermé, a pas fermé, il y a eu le temps de licenciement ou pas, la prime à la valise, elle est telle, tout ça, c'est des facteurs. On a gagné du salaire en plus en moins, mais il y a d'autres facteurs aussi, des facteurs sociaux, d'épanouissement personnel aussi, hein, parce que de ne pas travailler, ou travailler différemment, ou travailler dans le militantisme, c'est fantastique, hein, donc, ou ça peut être ennuyeux, enfin il y a vraiment plein de facteurs qui permettent d'évaluer ce qu'une grève est gagnée ou pas, mais le syndicalisme, même ce syndicalisme de lutte auquel j'appartiens, ne peut pas se réduire à des grèves, et surtout à des moments de... Oui, il y a des grèves. Donc, le syndicalisme s'est implanté difficilement dans les métiers du cinéma. Il a été très efficace en 1936 parce qu'il a trouvé une arme efficace qui était l'occupation d'usines, grande première en 1936, en région parisienne, enfin les Belges nous avaient un peu devancé. Mais les occupations d'usines en bloquant les lieux de production, les laboratoires et les tournages, ils ont bloqué l'économie des films. Du coup, c'est les ouvrières et les ouvriers du film qui ont fait ces grèves-là et qui ont été ascendants dans les milieux du cinéma, même par rapport aux techniciens, par rapport aux réalisateurs. Ils se battaient en même temps pour l'émancipation culturelle. Ils ont fait des films pour la première fois sur leur grève et ils ont occupé les grévistes en leur montrant des films. Donc c'était un moment de culture, de mobilisation et de construction syndicale. Cette construction syndicale, importante dans les métiers du cinéma, je ne vais pas faire toute l'histoire du livre, mais elle a abouti, donc je montre comment cette construction a lieu dans les métiers du cinéma et comment cette construction syndicale a permis la construction elle-même du cinéma français a permis de bâtir l'édifice classique du cinéma français qui se repose après-guerre, au moment des grandes conquêtes ouvrières et de salariés. Après-guerre, il y a la sécurité sociale qui est créée en 1946, c'est une des conquêtes du Conseil national de la résistance. Il y a le statut des fonctionnaires, il y a le statut des dockers. Tout ça, c'est des grandes conquêtes de l'histoire sociale. Et parallèlement à là, les mobilisations populaires syndicales construisent un cinéma français qui explique encore aujourd'hui qu'il y a un cinéma français, justement. C'est un cinéma très aidé, dans des formes non libérales du tout. Cette photo, en France, est totémique, et rappelle une mobilisation de vedettes et une mobilisation populaire syndicale. C'est la manifestation de janvier 48, où des milliers de Parisiens vont défiler avec des milliers d'ouvriers et de techniciens et d'ouvrières, techniciens du film et de vedettes, pour défendre le cinéma français, qui est menacé par l'invasion du cinéma américain, au moment des Golden Bombs. Au même moment, il crée le Festival de Cannes, en 1946-1947, fortement soutenu par la CGT. Il y a cette manifestation, il y a la création du CNC, Centre National de la Cinématographie, et tout ça, c'est souvent le fruit de mobilisations complexes, mais syndicales, collectives, et suite à ces manifestations-là, les accords Blue Bones sont révisés, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de films français sur les écrans et un peu moins de films américains, mais ils sont révisés à la marge. Et en fait, le plus intéressant, c'est qu'à l'unanimité du Parlement, une loi d'aide est votée pour le cinéma français en 1948, elle est confirmée en 1953, elle a toujours lieu, c'est que sur chaque ticket de cinéma acheté en France, pour que ce soit des films français ou des films étrangers, on prélève une taxe qu'on investit dans l'industrie nationale. C'est absolument pas libéral. Et donc, cette loi d'aide, plus les lois aux salles, et tout ça, ça fait que le cinéma français existe aujourd'hui. C'est unique, avec une industrie importante et des spectateurs nombreux. Et donc, je voulais rappeler que c'était le fruit de mobilisation syndicale, qui ne sont pas que le fruit de grève, c'est le fruit de lobbying, de manifestation, et ça va influencer, cette victoire va influencer le paysage syndical, parce que la Fédération du spectacle CGT va être très peu affectée, et pourtant on est en pleine guerre froide, avec la scission avec Force ouvrière, parce qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité et de leur unité. Bon, voilà pour l'histoire du livre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais c'est très bien. Ah, écoute, en tous les cas, tu as relancé la question du syndicalisme, qui est une question importante, enfin, de faire le lien, justement. Tu as énormément parlé de syndicalisme, ce que les autres intervenants n'ont pas du tout abordé. Et avant de passer la parole au public, justement, j'aurais bien aimé reposer la question de ce lien entre lutte et syndicat dans les différentes... Parce que on en a parlé un petit peu avec Benjamin avant. Justement, il y a forcément un lien qui n'est pas toujours abordé dans les récits. Pourquoi, comment, à la fois... Enfin voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, les uns et les autres? C'est pour rebondir, puisque là, tu pars très fort d'un ancrage idéologique et puis cette question syndicale, etc. Et donc là, comme c'est... ce rapport au syndicalisme qui n'a pas encore été abordé. Moi, je vais faire. Oui, oui. Benjamin. Je veux bien. Non, bah, je ne sais pas trop... Enfin, nous, quand on a fait le film, la question s'est posée, évidemment, et on a décidé de ne pas l'aborder frontalement, directement dans le film. En fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un autre film. Surtout ce rapport entre l'appareil syndical, la place du militant, du délégué, du permanent dans le conflit social. C'est des choses en plus que moi je ne maîtrisais pas forcément, enfin, même si j'ai fait un très gros travail en amont de lecture. D'ailleurs, merci Le Graco, c'est Jean Van de Wattin qui était, dont un des articles a été aussi à l'origine du film et qui est membre du Graco. Et donc voilà, cette question s'est posée, c'était aussi la difficulté. Au moment du tournage, parce que moi je voulais au tournage avoir des personnes, donc des ouvriers, syndiqués ou pas, des délégués et pas de permanents qui apparaissent, parce qu'il n'était pas forcément présent directement au moment dans l'usine en grève ou dans le lieu de conflit. Mais on se retrouvait au moment du tournage aussi que les personnes ont tendance à laisser le délégué parler. Et donc voilà, moi je voulais pas ça, donc c'était assez difficile d'un point de vue de mon travail au moment du tournage, parce que l'idée c'était pas que ce soit le délégué qui entre guillemets prenne la parole, parce qu'il maîtrisait mieux le conflit d'un point de vue on va dire historique, technique comme tel, mais c'était pas moi ce qui m'intéressait pour le film. Ce qui m'intéressait, c'est comment les gens ont participé ensemble à un conflit. Et des fois, voilà, c'est difficile, on n'est pas forcément d'accord, on s'entend pas forcément, et puis ça fait renaître plein de choses, parce que beaucoup de personnes ne s'étaient pas revues depuis la fin du conflit, donc c'est aussi le moment parfois de régler des comptes ou de revenir sur ce qui s'est passé, ce qui est une chose fort intéressante, mais pour tout mettre dans un film, c'est compliqué. Et je pense que le film aurait été beaucoup plus long, on aurait peut-être pu l'aborder, mais c'était pas le cas. Quand on voit un très beau film qui est le film de Barbara Koepel, Harlan Conti, sur la question syndicale, il y a une heure, je crois, une heure et demie sur un film de 4 heures, parce que c'est nécessaire. Si on veut pas vulgariser les choses et traiter la question syndicale dans un conflit social par la représentation, par l'outil cinématographique, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Mais malgré tout, les syndicats sont présents dans ton film, ne serait-ce que par les images d'archives et les banderoles qui sont là. Je veux dire que... Oui, non, je voulais qu'il y ait la présence syndicale. Enfin, c'est important que tu dises ça, parce que ce qui est important aussi, c'est que on voulait absolument montrer le travail syndical. C'est-à-dire, là, on est dans une question, je veux dire, plus des fois, entre nous, entre personnes, quand on est entre gauchos, on s'étripe tout le temps sur la place du syndicat ou pas, et tout, et je pense que c'est nécessaire et c'est sain. Mais là, l'idée du film était aussi de montrer que le syndicat fait un bon boulot, que c'est nécessaire d'avoir des syndicats. On est face à un imaginaire médiatique, je reviens à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire l'image du syndicaliste dans les médias, mais même dans le cinéma ou dans la production ou dans la communication, je ne sais pas trop comment l'appeler, on leur tape dessus, quoi. Je veux dire, c'est très cliché, mais c'est l'image du gars devant le bras zéro, avec sa bière, quoi. Je veux dire, regarder les caricatures de Kroll, désolé, mais du soir, pendant les conflits sociaux, c'est aberrant. Donc, il y a aussi cette idée de revoir c'est quoi le travail d'un syndicaliste, et sur le film, il y a une partie, chez Côte d'Or notamment, d'insister que c'est 20, c'est 120, 130 heures d'heures de réunion, quoi. On dort pas, le délégué, il fait ça. Il passe son temps à pas dormir, à aller à droite, à gauche, enfin, c'est un gros boulot, quoi. Donc, il y avait aussi cette idée de redorer l'image du syndicaliste, du syndicat, et sa nécessité, je veux dire, c'est un droit qui a été conquis. Le film s'appelle « Rien ne nous est donné », parce que tous les acteurs du film nous ont dit « t'as intérêt dans ton film de ne plus parler d'acquis sociaux, mais de conquête sociale ». Et c'est des choses, on s'est battu pour les avoir, et que ce soit dans le conflit qu'on a fait, on s'est battu pour avoir ce qu'on est ou ce qu'on n'a pas eu, mais il n'y a rien qui est acquis, quoi. C'est que des conquêtes. Donc ton film, tu vas l'appeler « Rien ne nous est donné ». Merci, bah ça donne envie d'un deuxième film sur le syndicalisme. Avec peut-être savoir distinguer syndicaliste et syndicaliste, parce que c'est vrai que bon, il y a quand même de tout dans le syndicat. Donc je pense que c'est ça qui serait intéressant, c'est de justement voir la question de la démocratie interne, le lien entre la tête et la base, et ou pas. Voilà. Donc Bruno, tu as aussi des choses à dire sur le syndicat et la façon dont on traite justement, et la difficulté peut-être dans le Gracos aussi de prendre quelque chose. Peut-être sur le lien entre conflits sociaux et syndicalisme, je pense qu'en Belgique c'est un peu différent qu'en France, parce que les syndicats belges sont des organisations politiques, mais aussi des organisations de services, extrêmement ancrées dans le système institutionnel belge. Et donc par rapport à la grève ou à la conflictualité sociale, c'est parfois difficile de jouer sur les deux tableaux. Je prends un exemple, l'année 2017 a été une des années les plus basses en termes de nombre de jours de grève depuis 1991 en Belgique, alors que les réformes du gouvernement ne se sont pas nécessairement arrêtées. Et une des explications, c'est pas la seule de ça, c'est qu'il y a eu la signature d'un accord interprofessionnel. C'est la première fois depuis 2008 que syndicats et patrons signent ensemble un accord avec une marge salariale. Bon, on peut discuter de la qualité de cet accord, etc. Mais je pense que une des raisons pour lesquelles les organisations syndicales ont signé, c'est pour garder leur légitimité dans ce jeu institutionnel. Je pense que c'est une des raisons, même si la marge salariale de 1,1% est très faible, etc. Mais d'un autre côté, signer un accord interprofessionnel, et on le voit, les statistiques le montrent, ben c'est des périodes moins conflictuelles, parce que ce sont des accords de paix sociale, entre guillemets. Et donc, on voit qu'en Belgique, en tout cas, voilà, c'est la relation au conflit est assez, des syndicats est assez différente que dans d'autres pays européens. C'est aussi un pays où très tôt l'action collective, les pratiques de lutte sociale ont été très encadrées par les organisations syndicales. À partir du XXe siècle, de plus en plus, hein, on a d'ailleurs il y a un sociologue anglais qui désigner les syndicats comme des managers du mécontentement et des gestionnaires du conflit. Et en Belgique, c'est très fort, hein, puisque c'est une constante même, à part à certaines périodes. Nous, on a eu notre mai 68 en retard. Hein, le mai 68 ouvrier belge, il s'est joué dans les années, début des années 70, entre 70 et 73, où finalement la grève est un objet de conflit à l'intérieur des organisations syndicales et avec une partie de la classe ouvrière. D'ailleurs, chez Caterpillar en 73, c'est un secrétaire régional des métallurgistes, du syndicat des métallurgistes, qui brise les piquets de grève avec la police. Parce qu'ils veulent faire atterrir le conflit, qu'il y a des conflits dans le collectif ouvrier. Et ça aussi, c'est aussi dans ces années-là, le fait que les femmes arrivent sur le monde du travail et veulent se faire reconnaître dans l'organisation syndicale. Toute une population immigrée, qui ne se sent pas du tout représentée par les syndicats, et par le type d'action également, veut à un moment donné être représentée. Et donc, cette relation, ça c'est un moment de conflit moins encadré par l'organisation syndicale, mais qui a à un moment donné repris le dessus et qui gère ces conflits. Dans ton film, Rien ne nous a donné, c'est intéressant de voir chez Volkswagen en tout cas, un des intervenants qui disait certains conflits démarrent, c'est des conflits individuels, à un moment on arrête la machine, on n'en peut plus, on en a marre. Mais qu'est-ce qu'on fait directement après? On va dans le bureau syndical et c'est eux qui gèrent, qui l'organisent et qui décideront à un moment donné comment il atterrit en fonction de la négociation qui peut avoir lieu, comme chez Johnson, etc. Et je ne suis pas en train d'ici de juger c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est un fait dans le syndicalisme belge et de son rapport à la grève et au conflit, ce sont des conflits très domestiqués en Belgique. Nous avons des conflits très domestiqués. Même la grève de 60-61, moi, quand il est question d'une grande marche sur Bruxelles, on sent que dans l'organisation syndicale, en tout cas à la FGTB, il y a à un moment donné le fait de dire qu'il ne faut pas aller trop loin. Il faut pouvoir gérer cette conflictualité sociale, qu'elle reste maîtrisable. Et donc ça, c'est très présent. Et en même temps, et je finirai par là, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on est une exception. On est le seul pays depuis le début, en tout cas depuis 2004, où le nombre de jours de grève ne s'est pas effondré dans les statistiques. Et où il a même augmenté par rapport aux années 90. Donc c'est un peu contradictoire, ou pas, je ne sais pas, mais c'est intéressant de voir ça, que dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, où les réformes, la Grèce, il n'y a plus d'outils statistiques. Je ne peux pas vous dire. La question est réglée depuis. Les réformes ont eu aussi raison des statistiques de grève. Mais en Espagne ou en Italie, en tout cas en Espagne, un pays fortement aussi touché, en Irlande également, par les réformes structurelles décidées par l'Europe, il y a eu beaucoup moins de nombre de jours de grève et d'actions de grève, en tout cas, que lors des périodes précédentes. Et en Belgique, où la grève est fortement contrôlée, et c'est également vrai pour les pays nordiques où il y a un peu ce même type de syndicalisme, c'est-à-dire où il y a une partie de la sécurité sociale, de la protection sociale qui est gérée par les syndicats, et donc c'est une organisation de services également, on observe plutôt aussi, comme en Belgique, une diminution très faible ou même une augmentation du nombre de jours de grève. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'un syndicalisme très militant est le garant d'une conflictualité sociale très forte, ou en tout cas de jours de grève. C'est pas une loi, en tout cas, c'est pas une règle. Merci. Voilà, donc là, on a déjà eu un bel aperçu de cette question de la mémoire des luttes. Est-ce que vous avez, vous, dans la salle, des questions? Des questions? Oui, ou des commentaires, évidemment. Pas trop long. Alors, je vous demanderai, parce que finalement, l'heure tourne, d'être assez bref. Ouais, merci. Merci, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jean-Marie Gersotte, je suis un ancien syndicaliste. Et donc j'ai été permanent national et permanent régional à la CNE, le tout pendant 38 ans. Et donc j'ai eu l'occasion de mener pas mal de conflits, énormément de conflits, chez les employés du privé. Du côté francophone, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la CNE n'a pas d'équivalent en Flandre, ne dépend pas de structures flamandes. Il y a un équivalent qui s'appelle la LBC, mais il n'y a aucune structure commune. Et donc j'ai eu l'occasion de mener pas mal de conflits depuis mai 68, parce que je suis rentré à la CNE en mai 68, de conflits sur le plan international aussi, avec beaucoup de contacts au niveau de la CGT portugaise, la commission ouvrière espagnole, l'huile italienne, etc. Parce que je suis convaincu qu'à l'heure présente, la seule possibilité de redorer quelque part le blason des organisations syndicales, c'est le syndicalisme international, pas dans des colloques, pas dans des congrès, mais à la base. Le contact entre militants de la base. Ça me paraît essentiel. J'ai eu l'occasion donc de coordonner un comité international dans une entreprise que tout le monde connaît, qui est Solvay, et qui a duré pas mal de temps, où il a été possible, sur base de ce que, au Portugal, en Espagne, en Italie, en France et en Belgique, on estimait être commun. Et notamment, il y avait deux points communs. La maladie professionnelle de Solvay, c'est le cancer du foie. Et en ce qui concerne la revendication de l'époque, c'était la création d'un conseil d'entreprise européen. On est parvenu à faire grève dans tous les sièges où nous étions représentés. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en France, en Belgique, au siège social même de Solvay qui est à Bruxelles, pour revendiquer et essayer d'obtenir les revendications qui avaient été posées. Je dirais qu'il faut oser un certain nombre d'actions, comme par exemple, j'ai eu l'occasion pour les infirmières d'occuper le Sénat pour le statut de l'infirmière, pas pour avoir de l'argent, pour effectivement que les infirmières et les soignantes, etc., puissent avoir un statut dans lequel elles pouvaient s'exprimer légalement. Donc, on a fait des séquestrations de conseils d'entreprise, des concentrations de conseils d'administration. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'il faut pouvoir trouver, j'estimais qu'il faudrait pouvoir trouver des moyens d'action qui frappent plus le patronat que les ouvriers et les employés. Parce que quand on fait grève, il est évident que la première chose, c'est la perte de salaire. Or, maintenant, la toute grosse majorité des familles sont endettées. Et donc, il est important aussi de pouvoir remédier à ça. Et donc, penser que la grève doit faire mal uniquement aux travailleurs est un faux concept. Et si je le dis, c'est parce que les organisations syndicales dans leurs appareils pensent qu'une grève, on ne peut pas la faire par plaisir, il n'y a personne qui fait une grève par plaisir, et il faut que ça fasse mal aux travailleurs. Voilà un petit peu la contribution. J'essaye, tant bien que mal, d'écrire mes mémoires, parce que je pense que les militants syndicaux ne connaissent pas leur histoire. Les organisations syndicales connaissent leur histoire à travers de congrès, mais pas à travers les actions qui sont menées sur le terrain, qui sont menées dans les entreprises, qui sont menées dans les secteurs professionnels. On les connaît très très mal et on les oublie très vite. Et donc voilà un petit peu, mon intervention est basée sur peut-être quelque part une demande aussi, et d'autre part sur un témoignage qui fut mon passage dans les syndicats pendant 38 ans. Voilà, merci. Merci. D'autres interventions ? Oui. Juste pour remonter sur ce que vous disiez, aussi sur cette question effectivement de la grève, des conflits sociaux et des actions. Dans la lutte sociale, effectivement, il y a plus que la grève. Et c'est vrai que c'est très difficile dans la représentation audiovisuelle de capter ces moments non photogéniques, non cinématographiques de lobbying, d'actions qui se mettent en place et surtout de conséquences de ces luttes sociales. Et c'est en ça que je trouvais très intéressant que Louis Tellier soit autour de la table avec cette idée de bande dessinée. Parce qu'effectivement, ça comble un peu ce manque, ce que je disais, cette image manquante, qu'il est très difficile, et il est difficile de montrer au cinéma des négociations qui vont durer 40 heures, parce qu'on ne va pas filmer pendant 40 heures. Or, en deux images, tu peux montrer quelqu'un de frais et quelqu'un de fatigué, et avec un texte de vraiment... Donc, c'était... une question peut-être à Louis Tellier, à Benjamin et à Tanguy Perron sur cette représentation de la lutte sociale au long terme et sur la façon dont, d'une part, vous avez travaillé, Benjamin, dans ce que tu as trouvé comme iconographie des luttes voilà, et comment tu as pallié à cette question. Et Louis Tellier sur ce choix de bande dessinée, effectivement, où on voit l'action syndicale mais on ne voit pas que l'action syndicale, on voit la conséquence sur le travailleur de cette usine qui ferme, et aussi d'élargir à Tanguy Perron sur cette sur ta connaissance de cette iconographie des luttes sociales au-delà des grèves, puisqu'en France, il y a cet organisme qui s'appelle Synarchive, qui est une archive du Parti communiste et qui archive depuis des années et des années cette question-là de ce que tu connais de ces fonds-là. Voilà, une question très large. Polly ? Oui, donc Julien Doré, je suis secrétaire politique au CETCA, donc les employés de mes côtés FGTB. Je m'occupe notamment du secteur des artistes, donc pour faire un lien avec certaines évocations. Mais c'est pas à ce titre-là que je vais intervenir. J'ai une autre casquette qui est de travailler comme historien sur le mouvement ouvrier belge et d'avoir de m'occuper d'une ASBL qui s'appelle l'Institut d'Histoire Ouvrière Économique et Sociale, qui essaye de conserver les traces des luttes sociales, donc qui est un centre d'archives. On a évoqué la question des centres d'archives, on vient de la réévoquer sur comment est-ce qu'on illustre des conflits, comment est-ce qu'on en garde la trace. Et là, c'est très significatif par rapport à ce qui a déjà été évoqué sur est-ce qu'on étudie la conflictualité sociale, quelle place est-ce qu'on lui donne. Et je vais le prendre sur deux angles. Il y a l'angle institutionnel, c'est-à-dire que les archives officielles, archives de l'État, ne s'occupent absolument pas de ces questions-là, et donc que ce type d'archives-là est conservé dans des institutions de type privé, en l'occurrence des ASBL, plus ou moins financées via un décret, mais totalement sous-financées. Les conditions dans lesquelles les archives sont conservées, les moyens qui sont donnés, sont vraiment beaucoup, beaucoup trop bas par rapport aux enjeux. Or, ça a une dimension, évidemment, puisque si on ne garde pas les traces, mais à un moment donné, on ne saura pas retracer l'histoire. Vous l'avez évoqué, à un moment donné, le boulot d'historien, c'est de se baser sur des sources, sur des archives, à un moment donné, de prouver une série de choses. Et donc, si on n'a pas gardé toutes ces traces-là, si elles n'ont pas été conservées de manière correcte, ça disparaît. Il n'y a pas que l'IHES, il y a d'autres centres d'archives, mais ils sont tous totalement sous-financés. Et on voit bien qu'il n'y a pas une logique de le faire non plus, puisqu'on ne va pas financer des choses qui conservent la conflictualité sociale et qui, en plus, pourraient prouver qu'à certains moments, ça fonctionne. Donc, il y a cet aspect-là. Et alors, il y a de l'autre versant, les organisations syndicales ou les mouvements sociaux en tant que tels, qui n'ont absolument aucun réflexe de conservation de la lutte. Et là, des bandes dessinées comme Johnson m'a tué, qui retracent une lutte, deviennent la trace, je veux dire, ça devient quasi la seule archive sur ce conflit-là, va être ta bande dessinée, s'il n'y a eu aucune trace, sauf si toi tu as gardé les choses, et encore si toi tu les as gardées chez toi, quid pour la recherche, etc. Et donc, et là, il y a une très faible conscience, je pense que vous pourrez le confirmer, de la part des organisations, qu'elles soient syndicales, ou qu'elles soient des mouvements sociaux d'autres types, hein, tout confondu, tous ceux qui sont dans la conflictualité, ils sont dans l'instant. On mène le combat, au mieux on a quelqu'un qui garde un peu chez lui l'une ou l'autre trace, mais il n'y a pas une conservation systématique, organisée des choses, qui fait qu'après on ne sait pas reconstituer les éléments. Et par rapport à ça, pour rajouter, la question du numérique va encore compliquer les choses. Je prends un exemple, la correspondance. Avant, on retrouvait encore dans les archives la correspondance entre responsables syndicaux et leurs délégations ou entre délégués. Aujourd'hui, qui archive la boîte Outlook d'un responsable syndical et la conserve d'une manière... Oui, mais parce qu'à un moment donné, ça veut dire que personne ne les imprime, personne ne les conserve, donc c'est une mémoire qui disparaît. Et donc, de manière un peu contradictoire, et je terminerai là-dessus, je pense que la conflictualité récente, dans 20-30 ans, sera plus compliquée à étudier que la conflictualité des années 40-50, parce que les traces sont encore moins bien conservées par rapport à tout ça. Désolé, c'est un peu... Merci beaucoup pour ces questions très questionnant pour les trois, pour les quatre. Justement, on arrivait naturellement par ces questions aux difficultés. Aux difficultés de la création de cette mémoire, à la fois au plan technique et cinématographique, et enfin, dans l'ordre du médium, c'est la question que vous lisez un petit peu, et puis en termes plus institutionnels, et de comment on fait pour garder ces archives, qui les garde, comment. Voilà, donc des réponses. Répondre à ces deux questions, ça me reste toute la journée, enfin, toute la soirée, et deux jours. Donc, des petites choses, ça peut être que des petites choses. La question de l'archive privée, l'archive publique, c'est passionnant. Hein. Donc, les militants qui ont fait les luttes, c'est parfois les premiers historiens de la lutte parce qu'ils ont conservé l'archive. Et donc, ça se respecte. Il faut entrer en dialogue avec eux, entrer en confiance avec eux. Et ils peuvent être les propres historiens de leur propre mémoire, les premiers comme ça, en tout cas il faut échanger, et pas les considérer seulement comme mémoire, comme ressources d'archives. Disons, il y a un premier regard, une première analyse, ensuite on échange, on peut se contredire, mais vraiment, pas les cantonner seulement dans le registre mémoriel. C'est compliqué hein, pour un historien de faire ça. Je dis bien parce que moi je viens d'historien classique, et je suis vraiment pour ce dialogue et cet échange. Alors, parfois, en se faisant engueuler en tant qu'historien, comment tu oses de parler de cette mémoire, que votre mémoire est peut-être défaillante, peut-être partielle, mais ces dialogues sont possibles et des fois ils sont très féconds. Souvent, quand il n'y a pas de hiérarchie trop dans la prise de parole et quand il y a projection de documents, projection d'images, accueil, comme ça, j'ai essayé de manière sous forme d'essai, parce que j'ai parlé de la famille, j'ai essayé, c'était des moments de dialogue, et parfois c'était très fructueux. Justement, pour vous dire qu'il y en a un cas français, c'est que la force d'une politique archivistique nationale, c'est-à-dire les archives françaises depuis la Révolution française, les archives nationales, archives départementales, archives municipales, qui sont menacées aujourd'hui, mais n'empêche qu'il y a des cohortes de conservateurs, de documentalistes, de gens extrêmement bien formés, qui se défendent syndicalement aussi, qui sont en lien avec les historiens. Moi, quand j'étais jeune historien, j'ai beaucoup plus appris, même de manière en discutant avec les professionnels de l'archive, quoi. C'était extraordinaire comme ça. Après, c'est vrai que ça remplissait pas tout. Du coup, moi je sais que pour la CGT, mais Force ouvrière ça existe aussi, de la FSU aussi, chez les enseignants, il y a des centres de recherche, des centres de documentation. Sous Georges Segui, qui était un ancien cheminot qui a dirigé la CGT, quand il partait, qui était un peu écarté d'ailleurs, quand il partait en retraite au début des années 80, il a créé l'Institut CGT d'histoire sociale, qui regroupe à la fois des chercheurs et des anciens dirigeants syndicaux qui commencent à écrire leur mémoire. Alors, il faut se battre avec les IHS, vous n'êtes pas là que pour commémorer, que pour honorer tel ou tel anniversaire, c'est important, ça fait partie du paysage politique, mais il faut aussi dialoguer avec les chercheurs. Et ça existe quand même, quoi. Donc, c'est assez fructueux. Ils ont une photothèque, par exemple. Hein. Donc, pour revenir à Cinéarchive, qui n'est pas seulement le centre du visuel du Parti communiste, alors là, je vais faire un autre coming out, c'est de plus en plus compliqué politique, c'est que je suis communiste, mais je ne suis pas léniniste. Et en tant que membre de la CGT, je suis vraiment au point de séparation. C'est pas un parti politique de diriger une organisation syndicale. Ça ne veut pas dire que l'organisation syndicale doit tomber dans la neutralité absolue, ce qui est impossible. Hein. Enfin, c'est un autre débat. Mais vous voyez encore comment je me situe, c'est un peu compliqué. Peut-être nourri du syndicalisme révolutionnaire et du courant libertaire qui a beaucoup nourri la CGT française aussi, même plus qu'on ne le pense. Donc Cinéarchive, qui s'occupe très bien, ils ont un site, ils ont un livre DVD que là j'ai amené, un sur le Front populaire qui est un grand succès, hein, enfin, en termes de diffusion. Du livre et du DVD. Ils en ont fait un sur les films de la libération, et la guerre froide que j'ai amené. Mais ils gèrent les archives du Parti communiste et de la CGT et parfois de ceux qui étaient dans les organisations satellites du PC qui sont laïcisés comme le MRAP ou le Secours populaire. Donc c'est vraiment important. Le mouvement ouvrier, c'est pas un seul centre et c'est pas qu'un noyau politique comme ça. Quoi. Et il y a eu de grandes tensions, de grandes négociations entre la CGT et le Parti communiste au sein de Cinéarchive pour qu'il n'y ait pas de sentiment de domination de l'un par rapport à l'autre au niveau de la question des archives. Donc c'est aussi un débat politique et passionnant. Et je me souviens, moi, de petits réseaux qu'on avait essayé de monter au niveau européen entre différentes sortes de centres d'archives ouvrières, de différentes formations. Il y avait les Italiens, les Belges, les Espagnols, et on avait plein de cultures syndicales différentes, nourries par des cultures politiques différentes. On s'était tous mis d'accord pour dire que quand même on avait une chose qui nous rassemblait, c'était le 1er mai. Et on avait tous commémoré le 1er mai qui est la fête des travailleuses et des travailleurs et non pas du travail. Et on avait plein d'images et plein de choses à dire par rapport à ça, qui étaient des moments fondateurs dans nos histoires. On a complètement régressé puisque le mouvement politique a fait que ces centres sont moins soutenus. En Italie, Rome est devenue à droite. droite, donc ils ont perdu des financements pour ça. N'empêche que, pour aller dans, le premier interlocuteur disait, la question internationale est complètement déterminante. Et avec les nouveaux outils de la numérisation, on peut faire des échanges beaucoup plus facilement. Et donc, ça sera peut-être à relancer, justement, l'histoire du cinéma militant et aussi une histoire européenne et une histoire qui dépasse l'Europe, là, parce que dans les 70, les images militantes peuvent circuler de par le monde. Donc, on s'est nourris les uns les autres. Des images se nourrir les uns les autres, les plans ont volé d'un film à l'autre, les stéréotypes ont volé d'un film à l'autre aussi, et donc ça serait intéressant de les interroger de manière commune. Bon, je ne réponds pas à la question de représentation parce que ça serait beaucoup trop long en fait. Non, mais la question de la mémoire se pose sur justement Cinéarchive qui a une représentation iconographique. Extrêmement, donc on a consulté. Alors oui, l'importance de l'État, Cinéarchive, c'est une association privée, une association dynamique gérée par quelques poignées de jeunes et avec un fonds fantastique et des jeunes très compétents. N'empêche que les films qu'ils montrent, ils ont été restaurés par les archives du film du CNC à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Et donc ça, c'était le CNC, c'est une politique étatique, archivistique, qui restaure des films du mouvement ouvrier parce qu'ils considèrent que ça fait partie du patrimoine national. Après, cette association s'appuie sur ce travail de restauration, elle les fait vivre et les enrichit historiquement. Donc là, il y a un cas aussi français, quoi, c'est assez jacobin, assez étatique, hein, et une bonne articulation entre le privé et le public. Je ne dis pas que c'est éternel, hein, c'est menacé, c'est une fruit de combat aussi. Voilà, donc, et effectivement, ce travail sur les mémoires, par exemple, la guerre froide, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On dirait, est-ce qu'on peut résumer la guerre froide au culte de personnalité, au stalinisme? C'est vrai que c'était, hélas, une marque au sein d'une partie du mouvement ouvrier après-guerre. Mais c'était aussi une relance des luttes anticoloniales. Afrique 50 de René Gauthier en fait partie, est très marquée par l'anticolonialisme et très marquée par la guerre froide. Dans le catalogue de Cinéarchive, il y a par exemple Terre tunisienne qui est très, très peu connue, qui montre qu'il y a une tradition anticoloniale française très importante. Et là, on le prouve par l'image. Et donc, la force de l'image et la force de la preuve amènent à la fois... parce qu'on peut travailler l'intelligence par l'émotion. Et l'importance d'une projection est extrêmement, extrêmement justement, cruciale pour réveiller les intelligences, réveiller la curiosité. Je ne nie pas, moi, je ne sépare pas l'émotion de l'apprentissage et de la connaissance. Et après, une fois qu'on a ces films-là, on peut le travailler historiquement en interrogeant d'autres sources. Donc effectivement, le rôle de l'image comme document et comme preuve est extrêmement important. Et Cinéarchive est souvent sollicité par des historiens ou par des documentalistes pour montrer ces images-là. Et voilà, je m'arrête là. Je continue. Là. J'ai mal passé la parole. Non, c'est parfait. Je reviens à la question de Pauline, pour le coup, nous, dans le film, ça a été une vraie question et une vraie difficulté parce que l'idée, justement, de donner à voir l'action collective, c'était aussi d'aller trouver des images d'archives, mais là, pour le coup, des images en mouvement et c'était notre paire de manches. Donc c'est assez intéressant parce que, enfin non, c'est pas du tout intéressant, c'était très galère, mais intéressant à discuter. Dans le sens où, par exemple, voilà, nous on fait le film dans le cadre de l'éducation permanente, on n'avait pas du tout d'argent pour le film, c'est un film qui s'est pas fait dans, on va dire, circuit classique, avec une production, chercher des financements. Pour tout savoir, j'espère qu'il n'y a personne de la Gokoff ici, mais en gros c'était un appel à projet sur le vivre ensemble. Et moi j'ai mis une manière en disant que peut-être la meilleure manière de vivre ensemble, c'est de faire la grève. Et je ne l'ai pas justifié comme ça, on connaît tous les appels à projet, c'est un vrai boulot. Et voilà, il faut trouver les mots à mettre, mais en gros c'était ça. Mais donc on a eu un budget pour le film, et l'essentiel, tout le budget pratiquement, est passé dans les archives. Et c'est ce qui est gravissime, c'est que le prix qu'on a dû payer donc aux médias ou à la Sonuma, qui est donc un organisme privé qui gère les archives de la RTBF, qui pourtant sont du domaine public, encore plus, enfin moi ça me rendait fou parce qu'en plus, je veux dire, c'était des images sur des conflits, les travailleurs ne peuvent même pas avoir accès à leur propre image. On a le même problème avec l'INA en France. Mmh. Donc, okay. C'est le même problème. Donc, alors ce qui est incroyable, j'ai juste pris quelques... Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix des archives, en fait. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça coûte. Mais j'ai pris quelques notes, parce que je me suis dit, on va aller du moins au plus, et, mais je ne vais pas m'éterniser. Mais en gros, alors ceux qui nous ont le plus aidés, c'était BX1, donc TV Bruxelles, sauf qu'ils n'ont pratiquement rien. Mais pour le coup, ils ont été super sympas, ils nous ont envoyé tout ce qu'ils avaient et tout. Voilà. Avant de rentrer, je voulais juste aussi dire, c'est que, en fait, c'est quel type d'archive, donc je parlais d'images en mouvement, donc moi je cherchais des images en mouvement, la seule source dont je disposais étaient les médias, et donc en plus du prix, ce qu'on va voir, c'est la forme. Donc cette monoforme journalistique, pour reprendre les propos de Watkins, c'est extrêmement difficile à se le réapproprier. Je veux dire, c'est des plans très courts, c'est du langage journalistique avec des zoom in, des zoom back. Il n'y a aucune action qui est filmée dans sa continuité, il n'y a aucun point de vue du point de vue des ouvriers. J'ai dû regarder près de 10 heures, 15 heures de journal télé, à chaque fois on est du côté du patronat, enfin, audiovisuellement parlant, et dans le off aussi, donc c'est vraiment hallucinant. Et, donc voilà, déjà il y a ces images-là avec cette forme-là, pour beaucoup il n'y avait pas le son, donc c'est-à-dire qu'on avait le off du journaliste, mais on ne pouvait pas avoir accès au son original, donc on pouvait utiliser que l'image. Et donc après, il faut se faire toute une réappropriation de ces archives-là et leur donner un autre sens, mais c'est compliqué. Et donc voilà, au niveau des prix, donc BX1, voilà, ils ont été assez cool et ils nous ont fait un petit forfait. Mais par exemple, la Sonuma, donc RTBF, si c'est dans le cadre de l'éducation permanente dans une utilisation non commerciale, pour 5 ans, avec une diffusion uniquement sur Internet, on arrive à 60 euros hors TVA la minute entamée. Donc c'est-à-dire, attendez, vous allez voir. La minute entamée, ce qui veut dire que dans le cadre de rien ne nous est donné, si on avait plus de 200 reportages différents, donc sur chaque minute entamée, c'est 60 euros. Mais comme moi j'ai besoin de plans fixes parce que je ne voulais pas montrer cette forme journalistique, parce que faire un film, enfin, avant tout l'acte militant, je pense, c'est dans la forme qu'on utilise pour raconter nos histoires ou ce qu'on relate. Donc voilà, ça chiffre très vite, très haut, mais c'est le moins cher de loin. Alors la VRT, par exemple, pour un site web, c'est 50 euros par séquence. Une projection publique, 50 euros par séquence, par projection. En festival, c'est 300 euros la minute. Et plus 50 euros pour la recherche par séquence. Et voilà, 50 euros par séquence. Donc voilà, moi j'ai travaillé sur 5 conflits. VOE c'était 7 semaines, IAC c'était pratiquement 8 semaines aussi, donc il y avait des actualités pratiquement tous les jours, donc c'était des conflits qui étaient assez durs, qui ont été assez couverts médiatiquement, et donc il y avait de la matière, mais ben, voilà, dans le film au final j'ai en tout et pour tout je crois 8 minutes compilées, parce qu'il y avait très peu de choses aussi exploitables d'un point de vue cinématographique, audiovisuel, et surtout d'un point de vue ouvrier. Enfin, je veux dire, moi, je me place du point de vue des personnes que je filme. Et donc, VTM, c'est 450 euros par séquence, et 195 euros pour le forfait pour toute recherche, et RTL, 750 euros hors taxe par minute entamée non cumulée. Donc, voilà, c'est le prix des images faites par des journalistes sur un conflit social, quoi. Donc, vouloir utiliser ces images, c'est des budgets qui vont... Enfin, je crois que nous, on a dû mettre... Ouais, le budget du film, ça a dû être pratiquement 20 000 euros dans les archives, ou entre 15 000 et 20 000 euros. Les images fixes, donc moi, je suis allé aux archives de la Bibliothèque Royale, regarder toute la presse, tout ce qui sortait de chaque conflit social, chaque jour utilisé. Il y a énormément comme choses, plein de choses intéressantes, et on est à... J'ai rien utilisé dans le film, au final. Et ça pourrait être autre chose, c'est le langage journalistique qui est utilisé pour parler de grève, grève sauvage, menace, agression, tout ça. Donc je voulais pas aller de ce côté-là, donc j'ai décidé de rien utiliser. Mais en gros, on va dire un format JPEG, donc il y a un format qui pourrait être utilisé, c'est 10 euros par image. Donc voilà. Et c'est 2 euros un PDF, mais vous voyez ce que ça peut chiffrer si on veut faire un travail de conséquent d'utilisation de ces archives. Donc voilà, c'est un vrai souci, je pense. D'où cette nécessité de filmer nos luttes sociales. Et je pense que l'acte militant aussi, pour revenir, moi je le sens plus quand j'apprends à des travailleurs, à des ouvriers, à des gens à utiliser la caméra pour qu'après ils soient en capacité de filmer leur propre lutte. C'est aussi le travail qu'on développe avec Zine TV d'une autre partie, mais je pense que là, la clé, elle est là aussi, c'est que comment aller faire pour que des personnes puissent filmer leur lutte, alors, avec leur GSM ou je sais pas, mais il y a aussi toute cette question du langage qui peut s'apprendre, tout le monde est capable de l'apprendre. J'ai donné des dizaines et des vingtaines d'ateliers partout, et je pense que là, la nécessité, elle est là aussi, c'est comment se réapproprier ça pour pas dépendre et garder en mémoire nos luttes sociales. Oui, garder notre point de vue. Oui. Et moi, la BD, c'était un peu obligatoire parce que dans les entreprises comme ça, on ne peut pas faire rentrer de GSM ou de caméra. Donc, le dessin, c'était la seule solution. Y a des fouilles à l'entrée. Faire la fin, j'ai pas pu assister à une scène. Et du coup, j'ai demandé à des gens quand même de planquer leur téléphone et de filmer. Donc, j'ai utilisé leurs images pour ça. Mais sinon, et puis l'avantage, c'est que c'est gratuit aussi. Donc là, ouais. Donc j'utilisais les feuilles et les bics qui étaient sur place. Et donc j'ai transformé mon atelier mon bureau en atelier. Et puis les gens venaient. Mais alors, par rapport à la différence avec le film, ouais, la BD aussi, ça, ouais, c'est vachement efficace pour synthétiser vraiment le travail de la synthèse de tout ce que j'ai vécu. Et le fait aussi d'être super discret le fait de ne pas avoir de caméra braquée sur les gens, ça change vachement aussi, je pense. Et là, moi je participais à plein de discussions et essayais d'avoir un maximum de points de vue dans les différents lieux avec les différentes personnes des acteurs de ce conflit. Et donc du coup, le travail, c'était vraiment de mettre en peu de cases et que ça soit compréhensible par tout le monde. Et puis, le fait aussi qu'on peut... Enfin, là, je distribue au fur et à mesure. Donc, l'objet... il y avait des petits fanzines tous les 3 semaines que j'imprimais dans l'usine et que je distribuais à tout le monde. Et donc, du coup, ça permettait de mettre à plat aussi toutes les informations syndicales l'état des négociations. Parce que le problème quand on travaille dans une entreprise avec beaucoup de monde et en 3 shifts avec différents syndicats, différents acteurs, les informations se perdent et il y a tout un travail pour pas que ça parte dans tous les sens, quoi. Par exemple, les gens de la nuit étaient beaucoup moins informés que les autres et du coup plus aussi contre le syndicat, un peu plus c'est un peu plus conflictuel, et puis pour eux, ouais, le fait de se voir représenté et d'être un peu symbolique de toute une espèce de lutte des classes mondiales, c'était super important. Et voilà. Merci. Donc là, on voit toutes les difficultés de pouvoir représenter ces différentes luttes, de pouvoir faire en sorte que la mémoire continue. Simplement, j'étais un petit peu étonnée tout à l'heure quand tu as dit en effet que les Français avaient encore cette capacité institutionnelle à poursuivre ce travail et donner vraiment de l'argent. Est-ce que vraiment, justement, étant donné les pouvoirs en place, on peut espérer qu'institutionnellement, on soutienne ces mémoires, que ce soit en France ou en Belgique. Enfin, en Belgique, c'est déjà très compliqué. Mais en France, en tous les cas, ça m'étonne un petit peu, en fait, ce que tu dis là. Mais tant mieux, hein, si c'est le cas. J'avais une dernière ouverture, parce qu'il me semble qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Là, on est en train de parler, en effet, de comment on parvient à maintenir cette mémoire, avec quelle méthode, quelle possibilité à la fois institutionnelle et créative. Mais je pense qu'il faut voir à quel point aussi le paysage médiatique, il est largement contrôlé au plan idéologique. Et que donc c'est vraiment 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'on a une profusion d'images, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Benjamin, une profusion d'images qui sont des images proprement patronales ou gouvernementales. Et c'est ça la propagande que subissent la majorité des gens. Donc évidemment, comme entre nous, là, on essaie de créer d'autres images, d'autres pensées. Mais faut voir qu'on est vraiment dans une ultra-minorité. Donc est-ce que la question, c'est pas aussi de penser... s'il est possible de penser une contre-propagande plus large, hein, que voilà, dans quelle mesure il est possible, comme le fait peut-être Média Libre en France, ou comme il y a d'autres initiatives dans d'autres pays, d'essayer de rassembler les alternatives, les médias alternatifs, que ce soit sur le temps court ou le temps long, pour justement parvenir à une autre mémoire qui ne soit pas celle des médias libres. Donc voilà, c'est une question beaucoup plus large qui ouvre évidemment sur la question d'un média de gauche, hein, qui est difficile de construire aujourd'hui, d'un média, mais pas seulement d'un média d'actu, mais d'une pensée, d'une mémoire. Voilà, j'avais envie d'ouvrir sur cette question, sur ce possible, et peut-être sur vos projets qui s'inscrivent ou non dans ce genre de rêve. Moi, juste témoigner sur la difficulté de faire d'écrire une chronique d'un conflit social sur base des médias. Et l'importance, comme tu disais, d'aller voir les travailleurs, pas seulement les délégués syndicaux, les travailleurs aussi, parce qu'il peut y avoir des ressentis du conflit qui sont très différents. Mais c'est parfois étonnant de lire la presse et puis d'aller constater sur le terrain ce qui s'est plus effectivement passé, en tout cas là. Et alors, une chose également, pour rebondir sur la question internationale, je pense qu'une des faiblesses du syndicalisme international, c'est qu'il n'a pas de mémoire, mais pas du tout. Et que c'est un vrai problème par rapport quand même aux syndicats nationaux et aux luttes sociales nationales. Et c'est intéressant sur ce point-là de voir à quel point chaque grève transnationale est toujours vendue comme la première de l'histoire. Et ça fait à peu près depuis le 19e siècle qu'on fait ça, parce que déjà dans le textile, il y a eu des luttes entre, des coordinations de lutte entre Manchester et Bruxelles, par exemple, les usines au fin du 19e siècle. Mais Renault Villevorte aurait été la première lutte européenne transnationale. Et donc ça montre en fait le fait qu'on n'arrive pas à garder une mémoire de ces conflits, et que donc tout est toujours à recommencer, sans pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé. On a eu des blocages de multinationales dans les années 60 et 70, chez Saint-Gobain par exemple, massives. Et quand vous parlez, quand on discute des multinationales aujourd'hui, on a l'impression que c'est impossible à faire. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement tiré de ces conflits transnationaux dans les entreprises multinationales qui ont eu lieu et sur lesquelles les travailleurs ont eu un impact. Je pourrais prendre, il y a énormément d'exemples, et bizarrement, voilà, à chaque fois, ici, Ryanair, la première grève européenne dans une entreprise multinationale, non, il y a eu des conflits, il y a eu des grèves, il y a eu des conflits coordonnés au niveau européen ou transnational depuis plus d'un siècle, mais par contre, on passe à autre chose, quoi, directement. Et donc, ça, à chaque fois, on doit recommencer, parce que chaque fois, on doit, ne fût-ce qu'en termes de formation des délégués et des syndicalistes, pouvoir se reposer sur un corpus historique de ces luttes, comment on lutte à l'international, quels sont les leviers qu'on peut avoir, quels sont les moyens de communication et comment ils évoluent, c'est hyper important. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas, ça manque, franchement, au niveau européen. Je vais... Tu voulais intervenir ? Bah ouais. Mais je peux le faire comme ça, non, parce que c'est filmé. On garde des traces. On garde des traces. On garde des traces et on fiche tout le monde. Bonjour. Non, mais c'était pour revenir sur ce que tu disais. Enfin, moi, j'ai été déléguée syndicale à un moment et j'étais vraiment impressionnée par le niveau zéro, au niveau des formations. De l'histoire et du syndicat et de l'histoire des luttes et de ce qui était possible de récupérer comme information. Et ce serait formidable d'avoir un média et tout ça, mais plus généralement, dès que tu es syndiqué, tu reçois chez toi un journal qui n'est pas lisible. Il est abrupt, il ne va pas t'apprendre spécialement des choses que tu ne sais pas, tu réapprends des choses que tu sais déjà si tu t'intéresses déjà aux luttes sociales qui ont lieu. Enfin, il y a tout, et je pense que c'est aussi dû au fait que, effectivement, quoi, on n'a pas cet enregistrement ou ce travail de mémoire qui est fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un énorme manque. Moi, j'étais déléguée à l'université, j'avais aucune idée. Enfin, personne n'était en mesure au syndicat de me parler de 68 dans les universités. Donc ça a été possible uniquement parce qu'il se fait qu'il y a un sociologue dans la bande qui s'était un peu intéressé à la question, mais je veux dire, il n'y avait aucune possibilité à ce niveau-là, et au niveau même au niveau des grandes grèves sous Hanke Links, au niveau de l'enseignement, parce qu'on est au secteur de l'enseignement, il y avait vraiment une difficulté d'expliquer finalement qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qu'on avait fait. Et je trouve ça vraiment terrible, quoi, de se retrouver face à des profs voilà, qui très pragmatiquement se sont pris un décret paysage, un décret Marcourt, prennent un pacte d'excellence dans la gueule, et d'être même pas en mesure de leur dire, mais en fait, il y a eu une époque où on est sorti et on était des dizaines de milliers de profs dans la rue, et de même pas réussir à faire vivre ce moment-là comme quelque chose qui a eu lieu et dont on pourrait apprendre, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, quoi, en effet. Même au niveau interne. Alors oui, bon, au niveau médiatique, là, on n'est même pas, mais je veux dire... Voilà. Et donc, je trouve aussi que ce serait une question à se poser, à la fois au niveau de l'archivage, au niveau de ce qu'on en fait ensuite, mais aussi de pouvoir utiliser ce qui est produit en dehors, les films qui sont produits en dehors, la BD, enfin, ces éléments-là, qui, je ne sais pas, n'arrivent pas à pénétrer le champ de la formation syndicale. Comme je me dis tout ça. Une petite question. C'était par rapport à vous, Paul Gracos. C'est sur le comment, en fait. Comment vous travaillez, comment vous compilez ces histoires des mouvements de grève contemporains, et quelle est l'implication des chercheurs dans les conflits. Est-ce que, justement, ils arrivent à aller au-delà de la presse, des médias, des discours de délégués syndicaux? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle rencontre avec les travailleurs, etc.? Et quelles sont les difficultés qui se posent dans la reconstitution de ces conflits? Alors, juste, je dois dire qu'il nous reste 5 minutes. Donc, on va essayer de faire des choix. Et peut-être que c'est vrai que Bruno t'a beaucoup parlé, et c'était très intéressant de manière générale, mais juste en deux mots, peut-être, de la méthodologie du Gracos. Et ensuite, redonner la parole sur la dernière question posée sur justement la double mesure peut-être entre le point médiatique et ce qu'on peut faire nous. Alors pour comment on travaille, donc on a ce concept de conflit remarquable qu'on sélectionne. C'est très discutable parce que un conflit remarquable, c'est quoi? C'est soit un conflit qui a eu un retentissement médiatique important. Le problème, c'est toute la discussion, c'est chez Caterpillar en 2016, il y a une fermeture qui a un retentissement énorme. Pour moi, ce n'est pas un conflit. Pour d'autres chercheurs du Gracos, c'en est un. Parce qu'il n'y a quasiment pas eu de grève, il y a eu très peu d'actions. C'est une négociation de sortie de crise, si on veut. Et donc, déjà là, on n'est pas toujours d'accord, mais bon, voilà. Ou alors qu'il y a eu des répercussions politiques qui a mené à des décisions. Alors après, comment on travaille pour arriver, ben, d'abord, il y a les phares de presse, mais comme je l'ai dit, elles sont ce qu'elles sont, mais elles permettent quand même de reconstituer une chronologie de la chronique. Puis alors, il faut aller sur le terrain, il faut aller interviewer les gens. De plus en plus, la lecture des réseaux sociaux peut être aussi une source, parce que dans beaucoup de conflits maintenant, il y a toujours un délégué ou un travailleur qui fait un peu le journal du conflit, ça se voit de plus en plus. Et donc, avoir accès à ce journal au jour le jour du conflit, ça peut être une source. Voilà, on est... et alors, en termes de statistiques, depuis 1991, au niveau belge, on a donc des statistiques officielles, mais il faut les prendre pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que vous avez... on pourrait croire un déclin des grèves en Belgique, par exemple, si on regarde les statistiques, ou de la conflictualité sociale. Or, évidemment, quand on fait une demi-journée de grève chez Caterpillar, ben, dans des petits sous-traitants, il faut que les travailleurs arrêtent pendant 60 jours pour que ça ait le même nombre de jours de grève. Or, ces conflits-là sont beaucoup plus importants en termes de compréhension de la conflictualité sociale. Et donc ça, c'est une des dernières difficultés que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est que l'économie belge et la fragmentation des entreprises est de plus en plus forte. nous oblige à aller chercher bien plus loin que ce que les médias nous donnent pour trouver les conflits qui sont remarquables, pertinents. On a travaillé cette année sur Mistral, qui est une entreprise de soins pour les adultes, 50 jours de grève. On a travaillé sur Truc Technique à Liège, c'est moi et ma collègue Natalia qui ont fait cette chronique, 58 jours de grève. Si on se limite à ouvrir les journaux nationaux, on ne parle jamais de ces conflits-là. Or, c'est là que la conflictualité sociale, aujourd'hui en Belgique, elle s'exprime bien plus que dans les grandes entreprises qui sont souvent, où la conflictualité est extrêmement encadrée, et en plus maintenant avec les procédures Renault, etc., c'est véritablement, il y a aussi une pacification là, des relations professionnelles dans ce cadre-là. Voilà. Merci. Donc, comme on a très peu de temps, je repasse directement la parole à Tanguy. Je vais essayer d'être bref, mais on arrive au cœur du sujet. Mais il y a des problèmes. En France, l'anniversaire de 68 a été un échec. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup de programmation, peu de personnes allaient là. Donc il faut aller voir ça, donc ça peut nous interroger. Si on perd le goût populaire pour l'histoire, je pense qu'on est, fichu. Il existe encore en partie dans les classes populaires en France, mais il n'est pas éternel. Des fois, je suis inquiet forcément devant l'état des forces syndicales, l'état des forces politiques, mais quand je vois la littérature et la création en France, même celle qui est pas mal diffusée, le film dernièrement, récemment, Un peuple et son roi, on voit vraiment un processus révolutionnaire. Et qu'un artiste français arrive à montrer, à mettre en image un processus révolutionnaire, Pierre Aiguillard sorte le 14 juillet, qui a un hommage aux plus humbles et qui fait une littérature très politique. Je pense qu'il y a des lieux de résistance au niveau de la création, hein, qui sont nourris d'histoires militantes, d'histoires scientifiques, tout ça. Donc ça, c'est pas désespérant. Je crois beaucoup, alors c'est encore contradictoire, hein, qu'un gars qui vient de Paris, de la CGT et tout ça, je crois beaucoup aux micro-résistances dans les boîtes et ce que tu fais. Tu vois, comme acte de création, espèce de rap-core où, enfin, où tu es tout seul, où tu notes des réactions. Et ça existe dans pas mal de boîtes, en fait. Hein. Dans un autre domaine français, c'était Bébert, qui s'appelle Xavier Durand, qui a écrit chez Agaude « Un grain de sable sous le capot ». Dans les 70, il l'a noté de manière un peu libertaire, il faisait des petits journaux qui diffusaient à ses collègues ouvriers, à la fois des journaux d'entreprise et de résistance et de rigolade, nourris par un sentiment libertaire. C'est un document unique sur le monde du travail. Et ça a d'abord été des cahiers ouvriers diffusés, photocopiés, avant que ça sorte chez Agaude ou chez d'autres éditeurs. Donc il y a tous ces micro-actes de résistance et de création, qui est souvent plus grande quand il y a des arrêts de travail, hein, qui sont des vrais moments de création aussi, mais ils existent. Il faut les recenser, les diffuser, les montrer. Et ça, c'est vraiment important. Je pense à Gisèle Tormos. Il y a eu la fermeture de Citroën Aulnay. Une ouvrière a écrit ses mémoires, un peu plus formatées, puisque c'est posé par un journaliste. Son livre est lu dans l'usine dans laquelle elle a été déplacée, y compris à des ouvriers qui sont, pour certains, analphabètes, parce que certains sont travailleurs immigrés, ou sont venus en France, on a pris leur force de travail, mais c'est tout ce qui les intéressait. Donc voilà, ces actes de résistance sont extrêmement précieux. C'est vraiment des actes de culture et de résistance populaire, et il faut les favoriser, sans les fantasmer, mais vraiment, nous, notre travail de médiateur, c'est aussi de les faire circuler. Et puis, après, un média indépendant, j'y crois pas trop. Enfin, je pense que ce sera pas un média, quoi. Ça sera des actes de résistance, de circulation, si on faisait baisser nos sectarismes de part et d'autre, augmenter notre curiosité pour ce que font les autres, en dehors, là je parle du cas français ou des chapelles qui sont vraiment très forts comme ça. C'est vrai que moi qui ai beaucoup travaillé sur le cinéma militant, je me suis arrêté dans les années, première fois dans les années 80, puis en 95 avec la vidéo amateur des cheminots qui était passionnante à étudier, et puis après je vois ce qui se passe, qui circule sur le net, hein, c'est passionnant. Mais là on a vraiment besoin de recensement, de jeunes, de méthodologies qui vont ces outils. Mais pendant les manifs contre le travail qui étaient extrêmement réprimés, il y avait des sites spécialisés qui s'appelaient anti-rêve dans la répression, mais il y avait 4 ou 5 sites. Et on peut faire des moissons d'images qui sont extrêmement passionnants pour écrire l'histoire de ces luttes, hein, et pour résister à ces répressions. Donc je crois beaucoup plus en l'échange, hein, qu'en créer un centre qui serait... plusieurs fois, sur du mouvement ouvrier, on a voulu rassembler toutes les expériences, on n'a jamais réussi. Donc on ne va pas toutes les rassembler, mais on va essayer de coopérer, quoi. Ok, donc... À chaque fois, ça brûle, hein. Voilà, non, mais c'est bien, j'aime bien. Non, bah, pour terminer, moi je pensais à plusieurs choses que la copine disait sur la formation syndicale. C'est marrant parce que pour le coup, là, le film, il est utilisé en formation syndicale. Des gens que j'avais rencontrés sont venus me voir en me disant est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, les métallos à Bruxelles, par exemple, maintenant, il est montré chaque semaine à 70 métallos. Et ce qui est chouette, c'est bien, et c'est que les personnes qui organisent les formations me disent « Ah mais en fait, c'est pas mal un documentaire pour... » J'ai justement entendu ça, c'est meilleur que 3 heures de réunion, voilà. C'est le meilleur. Et surtout que dans les formations, ils étaient habitués, enfin, je connais pas, tu dois sans doute mieux connaître que moi, mais il y avait une grosse partie sur la négociation, les techniques de négociation, et que la question du conflit était de moins en moins abordée. Ils disent que ça serait quand même intéressant de retourner dans les formations syndicales, aborder de front la question du conflit, et pour le coup, si le film peut servir à ça, tant mieux, parce que je trouve que c'est nécessaire, quoi, exactement comme tu le disais. Et au niveau des rêves, d'un média comme tel, pareil, je pense, dès qu'il y a possibilité de mettre les forces en commun, c'est nécessaire. Donc oui, pourquoi pas. Rappeler que par exemple avec Zine TV, c'est quelque chose qu'on développe, on a ce qu'on appelle la PVLS, parce qu'on n'a pas encore trouvé le nom, de la permanence vidéo des luttes sociales, où au quotidien on essaye d'accompagner les luttes sociales et de former des personnes à utiliser la caméra, le son pour filmer leur lutte. Donc, et on les met à chaque fois sur le site de Zine. On se retrouve avec plein de contradictions parce qu'on vient tous du cinéma, donc on a tous envie de développer un langage, mais on est sur des formats courts, donc c'est compliqué. Et on rêve de faire du Santiago Alvarez, mais c'est pas toujours possible. Et bref, il y a une effervescence, une motivation, mais oui, c'est nécessaire de filmer ces luttes-là. Avec la même difficulté qu'on a des luttes extrêmement sectorisées, chacun lutte dans son coin, on lutte pour le traité de libre-échange, les sans-papiers luttent dans leur coin, les mouvements féministes, il y en a énormément qui ne sont pas du tout en accord aussi ensemble. C'est très compliqué, mais c'est nécessaire, je pense. Mais moi, je dirais que mon rêve, et là je terminerai là-dessus, enfin mon rêve ou l'idée, ça peut se faire, c'est d'aller à la base aussi, c'est-à-dire d'avoir des écoles de cinéma populaire, ou des écoles de journalisme populaire. Parce que le problème, il est là aussi. Enfin, je parle au niveau du cinéma, c'est-à-dire que, et c'est triste, je ne sais pas s'il y a des gens qui sortent d'écoles de cinéma ici, mais le niveau social des étudiants des écoles de cinéma, c'est la bourgeoisie, quoi. Ce sont des classes sociales extrêmement hautes qui ne sont pas du tout au contact des réalités de la classe populaire. Donc, il y a un vrai fossé à creuser là-dessus. C'est-à-dire que si on a envie aussi que le cinéma ou que le journalisme s'intéresse aux luttes ou participent aux luttes, faut qu'ils le vivent dans leur chair, faut l'avoir vécu. Moi je fais un film sur la grève parce que mon père a passé 50 ans dans une usine et qu'il m'a jamais parlé du boulot et qu'à chaque fois il me parlait que de la grève, quoi. Et qu'il m'a jamais raconté ce qu'il faisait, quoi. Mais par contre il me racontait quand il était en grève et qu'il était content. Donc je pense que ce boulot il est à faire aussi, c'est dans les écoles, enfin créer une école ou je sais pas, aller sur des quotas, je sais pas si c'est une bonne idée ou quoi que ce soit, mais à la base de former des gens pour utiliser l'outil audiovisuel dans le cadre de l'outil audiovisuel ou de la littérature ou de la BD avec des personnes qui proviennent des classes populaires. Oui, moi je voulais seulement citer l'exemple d'école de... Ce que vous dites, ça fait penser aux expériences de télécommunautaires au Venezuela où il y a effectivement des TV qui il y en a une qui est en train de se créer par les paysans. Et ce qui est très frappant, c'est que non seulement on apprend aux paysans à se servir des caméras pour rendre compte de leurs difficultés, mais qu'ils échangent avec d'autres cercles, où on apprend d'autres cercles de paysans un peu plus loin, et donc comme ça, ils s'informent sans passer par les médias dominants. Et ça, c'est peut-être, idéal, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut penser. Parce que moi aussi, je pense que ce serait magnifique si je pouvais aller interrompre tous les jours le JT sur la TV et aller dire « Eh, maintenant, on va vous montrer ce qui se passe vraiment. » Mais bon, ça, c'est encore loin. Donc, tandis que des choses comme ça, je pense que ça relève tout à fait de l'éducation populaire et permanente. En fait, j'ai passé 10 ans au Venezuela et à la participation de Terra TV qui est en train de se monter actuellement. Bon, ben, moi, j'ai le même rêve. On va aller en commun. Dernièrement, j'ai fait un stage de la Fédération du spectacle et il filait le bouquin, je sais pas s'il est bon, mais aux adhérents. Donc c'est déjà un geste de formation quand même, quoi. Donc il y a des choses qui se passent, hein, qui sont intéressantes. Il faut être plus ambitieux et moins sectaire et plus curieux pour ce que font les autres. Mais il y a des choses qui se passent et je crois pas moi à la centralisation actuellement. Je, je, je ne pense pas que ce soit possible et souhaitable. Enfin, un seul média. Mais votre information, okay. J'ai écrit également un livre avec un collègue de la FGTB. Eh bien, ce livre, tant à la FGTB, tant qu'à la CSC, est mis à l'index. Donc, voilà. On va bientôt terminer. Je voulais juste donner une dernière information dans le cycle des événements Iconosphère. En fait, le prochain aura lieu bientôt, le 25 octobre. Et justement, on parlait de lutte transnationale. Eh bien, ça aura lieu en marge de l'Assemblée Générale Européenne des Livreurs à Vélo, que nous montons en ce moment, et avec Alter Summit. Et donc, il y a cette assemblée. Mais là, l'événement Iconosphère, ce sera un événement qui aura lieu au Théâtre National dans le cadre du Festival des Libertés. Le 25 octobre à 20h30, et donc ce sera une conférence avec la participation des livreurs, justement. Il y aura trois livreurs qui témoigneront des luttes dans leurs différents pays, et également deux intervenants académiques sur ces questions-là, sur la transformation du travail dans l'économie de plateforme. Donc voilà, vous y êtes invités pour continuer la lutte, évidemment. Voilà, merci. Je pense que tout le monde va rester à l'entrée, donc la discussion, je pense que se continue aussi si vous le désirez. Il y a une table avec les livres aussi des gens, et puis à 18h, Tanguy Perron et Un homme est mort. Et j'ai oublié de faire passer la liste dont j'avais parlé au début. Je vais la laisser sur la table à l'entrée si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à laisser vos noms.